Discussion en conscience avec Mona en date du mois de mai 2021. Donc, ici David que vous entendez au micro en compagnie de Mona que vous voyez à l'écran. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Oui, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Oui, et moi pareillement. Donc, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était parlé ensemble. Donc, c'est sûr que pour les gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent maintenant, on peut leur mentionner que tu es professeur de Pilates et également de yoga thérapeutique. Donc, tu donnes toujours des cours ici en personne, là, au Québec, à Montréal et également en ligne. Présence et en Zoom, oui. Parfait. Donc, pour les gens qui aimeraient faire un cours avec toi, comment procéder? Me contacter par courriel, c'est le plus simple. À info, @, ben, je pense que les informations apparaissent en dessous, fait que je ne le nommerai pas, mais c'est par courriel idéalement. À travers mon site, vous pouvez me contacter. Puis on prend rendez-vous, on se parle, puis après on verra selon les besoins des gens. Il y a quelque chose que je voudrais dire là-dessus, Oui. Pendant que j'y pense, parce qu'il y a quelques personnes, deux Françaises qui m'ont écrit cette semaine sur ma page Facebook qui va disparaître. Je vous invite à y aller rapidement parce que je vais l'éliminer. On en reparlera, là. Mais sur Yoga Centre Cité, sur Facebook, ma page, il y a une vidéo du yoga des voyelles que j'ai mis. Pas des voyelles, un yoga pour le système nerveux, pardon. Je vous invite à le copier. Parce qu'il semblerait, moi je le sais, que ça a un impact extraordinaire sur le système nerveux, glande pinéale, toutes les glandes du corps. Moi, je vous invite à aller le copier, puis je vais l'éliminer bientôt, je vais sortir de Facebook. Alors, allez-y, copiez, c'est le temps. Alors, c'est une offre pour une durée limitée. Les coordonnées de Mona, vous allez les retrouver là en bas de l'enregistrement. Et pour celles et ceux qui t'écoutent présentement en audio, peux-tu donner les coordonnées de ton site web? www.yogacentre, en un mot, citépodaccent.com. Excellent. Sinon, est-ce que tu fais toujours de la consultation? Ben oui, la vie. Ah tiens, on pourrait partir le sujet là-dessus. La vie m'entraîne, si je dis bien la vie, vers de la consultation en psychologie évolutionnaire. Il semble que j'ai un travail à faire là-dedans. Je suis rendue avec 4-5 clients qui travaillent. J'ai commencé tranquillement. Fait que on peut ouvrir la porte à ceux qui voudront du coaching évolutionnaire. C'est de la psychologie évolutionnaire appliquée. Si vous voulez savoir c'est quoi, écrivez-moi. Ça va être plus simple que de leur parler pendant une heure. C'est pas simple, là. C'est quand même une démarche. Surtout d'anégoïsation, ce qui est très différent de la distanciation. Oui. Quoique la négoïsation peut amener la distanciation astrale. Ben, la distanciation, on sait c'est quoi, prendre la distance, avoir le recul. Maintenant, le travail d'anégoïsation, ça, c'est une autre histoire. C'est la partie 2, je dirais, de l'initiation. Donc, souvent, on est dans des périodes assez houleuses dans ce moment. Puis des fois, d'être accompagné, c'est loin d'être con. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, les petites annonces là, sont faites de ton côté. Sinon, bien de mon côté, je rappelle aux gens que je suis présentement sur YouTube et également sur Facebook. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, probablement que vous allez pouvoir retrouver la version longue sur Odyssey, qui est une autre plateforme là, que YouTube et où il y a plus de liberté de parole. Et c'est sûr que sur YouTube, bon, il y a eu la censure, etc. Donc, vous allez avoir la version brève là, de l'entrevue d'aujourd'hui. Et sinon, ceci mentionné, bien, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient les enregistrements que je rends disponibles au fil du temps, il y en a quand même là, plusieurs centaines. Vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière et vous allez avoir les coordonnées là, à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et c'est sûr que pour débuter cet entretien, je voulais t'amener à parler entre autres, là, c'est sûr, de la crise, j'allais dire covidienne, parce que ça fait au-dessus d'un an qu'on vit ça au quotidien, là. Et ouais. Avoir un petit peu tes commentaires, là. Ben, mes commentaires, C'est qu'on est vraiment dans une période où les gens souffrent énormément. Moi, je vois beaucoup de souffrance autour de moi, surtout. J'en souffre pas tellement personnellement, passant. Prenez-le pas comme si je parlais de moi. Au contraire, je trouve que je me refroidis encore plus qu'avant, donc j'en souffre beaucoup moins. Mais je vois beaucoup de souffrance, alors ça m'atteint de cette façon-là, dans un sens. Là, on peut dire que j'ai un petit karma collectif à régler, peut-être. Ça se pourrait. Je suis pas indifférente à ce qui se passe. Mais j'en souffre pas comme je vois les gens souffrir, par exemple. J'ai pas peur. Donc, le fait de pas avoir peur, Ben c'est c'est ça, bien. c'est parce qu'il y en a qui ont peur présentement du virus en tant que tel, puis il y en a qui ont peur du vaccin, puis il y en a qui ont peur des deux. Fait que là, ça devient Est-ce que compliqué. je peux vous raconter, Oui. si les gens veulent le savoir, avoir une petite idée? Moi, j'ai parlé à mon médecin personnellement. Je voulais aller tester qu'est-ce qu'il pensait lui-même de tout ça. J'ai eu un appel téléphonique. C'est un médecin avec qui je m'entends bien, là, qui est jeune, mais que je peux parler. Fait que si les gens veulent peut-être suivre la même démarche, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le vaccin. Il m'a répondu qu'il l'ignorait. Il dit, OK, Jonathan qui s'appelle. J'ai dit, Jonathan, tu ignores ce que tu injectes? Il dit oui. Est-ce que tu as accès à l'information que je lui demande? Il me dit non. C'est secret qu'il me répond. Ben, attends une minute, t'as-tu demandé quel vaccin? Parce que là, il y a présentement le vaccin Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Comment? AstraZeneca, Moderna, Johnson et Johnson, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas l'information comme médecin. C'est considéré comme un secret. C'est ce qu'il s'est fait répondre. Fait que moi, je lui réponds, je dis, OK, là, tu es en train de me dire que tu pourrais me vacciner quelque chose que tu ignores, ce que tu m'injectes, puis qui pourrait me rendre malade. Il dit oui. Fait que là, je lui réponds, donc, tu passes à côté de ton premier serment de ne pas nuire. Le serment d'Hippocrate, oui. Oui, d'hypocrite, oui. Hippocrate. Fait que là, il me répond, ben, pas vraiment, je le sais pas. Ben, je dis, si toi, tu le sais pas, qui va le savoir? Parce que c'est toi le médecin. Ben, c'est ça, c'est la plus haute autorité sur le plan médical, tu sais. Puis là, il y a des pharmaciens qui font de la vaccination, il y a d'autres membres du personnel de la santé. Ouais, mais ils savent pas ce qu'ils injectent. Alors, c'est bien cute, mais moi, je continue ma discussion avec mon Mais médecin. c'est Je dis, ça, oui. OK, Jonathan, vu sous cet angle-là, je vais dire une chose, je vais attendre. Parce que je ne suis pas contre la vaccination pour les gens qui pensent que je suis pro-Trump, pro-ci, pro-ça, rien de cela. Oubliez ça. Je suis pas contre les vaccins, pour les vaccins, ni l'un ni l'autre. Moi, Mona, je n'ai pas eu de vaccin de grippe de toute ma vie et je vois pas pourquoi je commencerais quand j'ai même pas de rhume. Alors, je lui dis, moi, je vais attendre parce que je pense que je ne sais pas c'est quoi, ce qu'il y a là-dedans, puis on ne sait pas les conséquences. Écoute bien la réponse. J'ai dit donc, je vais miser pour la prudence, que je lui dis. Il me répond, c'est la meilleure chose à faire, Madame Hébert. Alors, faites ce que vous voulez, les amis. C'est ça, la réponse. Moi, je pense que d'être prudent, c'est intelligent, présentement. On ne Oui. sait pas ce qui injecte. C'est pas terminé l'exploration de ça, ni même les tests de ça. Pas avant 2023, les résultats de la phase 4 de tous les vaccins existants. Alors, si vous voulez prendre une chance avec ça, allez-y, c'est votre choix. Mais sachez que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est tout. On prend une chance. Mais tu as moins de chances d'attraper le COVID présentement au Québec, là, les gens qui en meurent. On ne parle pas des cas, on parle de mort. S'il vous plaît, si vous parlez de pandémie, parlez-moi de mort, puis sacrez-moi patience avec les cas. Plus capable. Ben oui, mais c'est la nouvelle définition de l'OMS, là, depuis 2009, que la pandémie, ça se base sur le nombre de cas maintenant et non plus le nombre de morts. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont changé ça. On sait pourquoi maintenant. Ils ont changé ça juste un petit peu avant la pandémie d'aujourd'hui, tu sais. Donc, il ne faudrait pas être naïf, mais peu importe le mot qu'on y met, faudrait-il qu'il y ait des morts venir à côté de ça? Et présentement, les statistiques de l'INESPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, nous sortent qu'il y a 300 morts de moins que l'année passée. Eh ben, toi. Fait que là, on est à 0,34 % de morts du COVID non répertoriés comme comorbidité ou pas, là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore dissocié les comorbidités de ceux qui sont vraiment décédés du COVID-19 sans ça, sans les comorbidités. Fait qu'on est à 0,34 %. Savez-vous, ça fait combien de personnes, ça, sur la population? Vas-y. Ben, ça fait pas grand monde, chérie. C'est 3 000 personnes. C'est 5 000 personnes, gros max, tu sais, qui sont peut-être morts du COVID. Moi, je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de... Tu sais, ils n'ont pas détaché la comorbidité. Puis il Ils n'y aura disent pas que... d'autopsie non plus pour démontrer s'ils sont bel et bien morts du COVID. Non, mais ils savent c'est qui est mort, par exemple. Il y en a 98% qui sont morts d'un CHSLD à 82 ans et plus. Fait qu'on est capable de dire qu'il en reste un 2-3% du 90, du 100% de morts, là. Mettons qu'il y a 8 000 morts. Il y en a 98 là-dedans qui sont décédés d'un CHSLD, là. Ça, c'est les données de l'INSPQ. Il apprend pas un cours de mathématiques avancées pour comprendre qu'il en reste pas même un, là. Puis c'est pas moi qui vais vous montrer comment calculer, s'il vous plaît. Apprenez à lire puis à calculer. Si vous n'êtes pas capable, faites-le. Faites l'exercice, apprenez de lire des statistiques. C'est important. Donc, il y a à peu près 300 personnes de mort du COVID directement, probablement, au Québec dans l'année 2020. On est en train d'écraser une économie complète Oui. pour 300 malades. Mais là, ils Évite. vont dire, c'est parce qu'en faisant ça, on a sauvé de 30 à 40 000 personnes lors de l'automne 2020 avec les mesures de confinement, là. C'est à cause que ça fonctionne tellement bien, le couvre-feu et ces mesures-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de morts. C'est parce que ça marche. Ben oui, ça marche tellement. Ben oui. Il n'y a La plus grippe personne a qui sort rien. disparu. Depuis un an, il n'y a plus de grippe. La dit aussi. Oh, oui, c'est merveilleux. N'importe quoi. Arrêtez de la TV, ils disent n'importe quoi. Ils mentent. En pleine face. Ils savent qu'ils mentent. Si, maintenant, qu'est-ce que c'est dur à comprendre au Québec? Non, exactement, mais j'ai beaucoup aimé tantôt ce que tu parlais de ton médecin qui t'a répondu avec honnêteté. Puis, c'est sûr que normalement, pour donner un consentement libre et éclairé à une activité médicale, il faut que tu saches c'est quoi. Fait que normalement, ben, c'est comme j'avais écouté une vidéo d'un médecin en Europe qui disait, il y a un problème éthique avec le vaccin parce qu'on ne connaît pas les conséquences à court, moyen et long terme. Donc, comment permettre à un patient de donner un consentement libre et éclairé par rapport à une injection si on ne sait pas les conséquences potentielles? Donc, on ne peut pas lui présenter les informations. Au même titre que si quelqu'un se fait opérer, ben on peut lui dire c'est quoi les conséquences de l'opération que ça peut avoir. Mais là, on ne peut pas le dire. Fait que la personne ne peut pas donner un consentement libre éclairé réel. Exactement. Puis ils nous mentent sur pas les médecins, là, mais sur les statistiques de ceux qui sont vaccinés qui en meurent, on sait à peu près 1% de la réalité. Ce qu'ils vous disent à la TV, ah, oh, il y en a un qui est mort d'une thrombose. Un, il y en a peut-être 10. Oui, Un parce comme que ça. ça, c'est le nombre qui est rapporté. Les autres sont peut-être pas rapportés, là. Ben, ce qui est rapporté, c'est qui rapporte quoi, là, tu sais? C'est qui rapporte les choses? C'est tout ça. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à ce qu'on entend, parce qu'ils nous mentent, ça, c'est clair. Puis on comprend très clairement que ça n'a rien à voir avec le COVID. On le sait très bien maintenant que ça n'a rien à voir. C'est l'idée, c'est le passeport sanitaire, hein? On le Oui. disait il y a un an, puis on passait pour des parano, là. Ben exactement, là, c'est ça. Il y a plusieurs mois, on parlait de la possibilité d'un passeport vaccinal, puis là, les gens vont dire, ah, c'est du délire, tu capotes, etc. Mais là, présentement, le ministre du Québec, Christian Dubé, nous a annoncé qu'à partir du 13 mai, il allait avoir un code QR qui serait justement lié aux gens qui ont eu le vaccin, qui est la porte d'entrée pour le passeport vaccinal. Exactement. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas aller chercher un code QR. Il faut faire fuck off au code QR, puis boycotter les restaurants qui demandent le code QR. Mais il y en a un qui s'est. Je suis allée l'autre fois dans un restaurant il y a une semaine, là, puis il y avait une petite. Je savais même pas c'était quoi encore le code QR quand j'ai vu une Oui. étiquette sur la table. Puis là, j'étais là. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Là, je demande à Adam, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est un code QR. J'ai dit, ah ouais? Bon, ben bonne journée. J'ai crissé mon sandwich là. Je dis bonne journée, je suis partie. Ben, attends une minute, c'est parce qu'un code QR est déjà utilisé présentement par rapport à certains objets. Donc, QR, c'est que Quick Response en anglais, donc réponse rapide. Puis, c'est avec une espèce de logo visuel avec des formes, un peu comme un code barre, mais il y a plus de possibilités là, avec les différentes formes de carrés puis de points, là. Bien, elle était identifiée sur ses tables, l'autocollant était sur les tables, mais je ne savais pas que le système était QR tant que je n'ai pas vu le code. Elle ne me l'a pas dit, moi. OK. C'est ça? Ouais, Fait que... mais t'as-tu demandé si t'avais un code QR? Non, ils ne peuvent pas l'exiger, mais ils commencent à l'installer, ça, je te le dis Ah, OK, présentement. oui, ils vont sans doute installer des bornes puis toute une procédure, un peu comme c'est le cas en Israël présentement, parce que les gens qui veulent s'entraîner en Israël, aller au restaurant, aller faire du magasinage, sont obligés d'avoir leur passeport sanitaire puis sont scannés à l'entrée là, des commerces. Ouais. L'Israël, c'est le pays le plus vacciné. Donc, ils servent d'expérience. Et comme nous, on sert d'expérience. Hein? Alors, allons-y Ben, on bien. est sur une planète expérimentale. Pas aucune expérience des autres. Oubliez ça. Vous l'avez dit, je déménage en deux sapins et je m'en sacre. Mais on verra bien parce que la façon qu'ils sont en train de créer le système, c'est que si la personne n'adhère pas au code QR, progressivement, elle va être exclue de la société s'ils mettent en place là, des bornes là, dans tous les commerces et les lieux publics, là. J'irai faire la chasse aux mammouths. Je m'en crisse. Je ne sais pas ce que je veux faire parce que le monde va rire quand je vais dire, ben, aller faire la chasse aux mammouths, là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, quand bien même qu'ils essaieraient de me faire rentrer là-dedans, je ne rentrerai jamais. Bon, peut-être crever avant, mais je ne rentrerai pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, David. Ils ne me le diront pas d'avance. Moi, je ne souffre pas d'insécurité. Je vais savoir au moment où je dois le faire, je vais le faire. C'est tout. Mais ce que je sais, c'est que je ne me ferai pas vacciner, puis je ne subirai pas du chantage comme il essaie. C'est tellement tordu. Pensez-vous que je vais me plier à ça? Voyons donc. Ils ne peuvent pas imposer la vaccination, fait qu'ils font du chantage par en dessous. Ouais, Oui, moi. ben c'est ça qu'on a vu avec le personnel de la santé dans les derniers jours. C'est-à-dire qu'ils ont dit au personnel comme les infirmières, ben si vous ne faites pas vacciner, vous êtes obligé de vous faire tester 3 fois par semaine à 48 heures d'intervalle en dehors de votre temps de travail. Mais on vous force pas. Fait que c'est tellement dissuasif, puis c'est tellement lourd comme contrainte, puis se faire rentrer les couvillons dans le nez à chaque fois, c'est C'est tellement. pas vrai que c'est pas forcé. Dans le code Nuremberg, il faudrait que je le retrouve, le code Nuremberg, mais c'est précisé qu'aucun moyen détourné de propagande à la vaccination ne peut être utilisé. Les autres sont pas. Ce que le monde comprenne pas, c'est que le code, la poursuite internationale, là, elle s'en vient. C'est long, mais ça va débarquer, puis ça va arriver. C'est une question de quelques mois encore, un an ou deux. On n'a rien que ça à tenir. Après ça, ça va tout se défaire. Ça embarquera Oui, quoique. pas. La planète au complet se met à rouler comme les Chinois veulent. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est techniquement impossible. Ils s'essayent, mais c'est techniquement impossible. On verra bien parce que, La tu planète où on va pouvoir aller vivre sais. ailleurs que dans une prison dorée, esclavage heureux, là. On verra bien qu'est-ce qui arrive parce que, dans le fond, là, par rapport au passeport vaccinal, il y a des pays d'Europe qui adhèrent à ça. Puis, Mais on ne fait pas de business avec eux, David. Ben là, je veux dire, il y a quand même. Nos voisins, arrête le débat juste aux États-Unis. Oui. Le plus gros commerce qui se passe entre le Canada et d'autres pays, c'est avec les Américains qu'on échange le plus, là, puis ils viennent de refuser le passeport vaccinal au fédéral. Comment le Canada va pouvoir continuer à faire de la business avec les États-Unis comme ça? Mais là, ce que je voyais de Justin Trudeau, c'est qu'elle allait dire que les gens qui vont venir des États-Unis, qui vont vouloir aller au Canada, il va falloir qu'ils montrent leur passeport vaccinal. Ils n'en ont pas aux États-Unis. Fait qu'ils vont faire quoi, les Américains, Ben, ils quand ils vont vont probablement. Ça doit être trouver sans. des tomates sur ta table? Hein? Probablement que, dans le fond, les gens vont se faire vacciner aux États-Unis, puis vont montrer une preuve qu'ils ont été vaccinés contre le COVID. Ben non, le marché noir va. Ben plus simple que ça, David. Le marché noir va se développer des faux vaccins, puis des faux carnets de vaccins. Moi, je suis la première cliente en posant. Oui, mais pour contrer ça, la prochaine étape, à cause du marché noir, ils vont probablement vouloir implanter une puce sous la peau ou reconnaissance biométrique faciale comme en Chine. On verra bien s'ils se rendent là, parce qu'il y a d'autres plans en dehors de leur plan de merde. Hein. Le plan, c'est, tu sais, on dit que la pensée vient d'ailleurs. Oui. Hein? Si la pensée vient d'ailleurs, eux autres aussi, la pensée vient d'ailleurs. Il n'y a pas rien que toi, puis moi, puis nous autres. Hein? Fait qu'on se fait. C'est pas ce qu'ils pensent qui va arriver. Moi, je le sais, moi, je sais que tu le sais, mais quand bien Oui, on en je me parlerait. permets un petit peu de faire l'avocat du diable avec toi parce que l'agenda astral, qui est de renforcer le contrôle puis de dominer par la peur, est en train de s'instaurer à différents niveaux là, en société, là. Oui, mais ça reste ce que les gens, ce que la télé vous dit, c'est que c'est majoritairement les gens sont pour la vaccination. Donc, la majorité des gens ont peur, quand Oui. en réalité, la majorité des gens sont silencieux puis attendent. Moi, je connais plein de gens qui sont pas allés se faire vacciner, mais ils te le diront pas. Ben, Comme y ma en a plein qui s'en vanteront pas, mais c'est sûr que. Ouais. des deux bords. Mais ce que je veux dire, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment Non, c'est sûr. parce que les gens n'osent plus parler. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu te fais fouetter par une espèce d'imbécile heureux, là. C'est pas Martineau, c'est un autre taouin, l'agacé ou d'autres. Ou... Ben, il y a une intimidation médiatique qui est faite. C'est honteux. Ben, c'est ça, c'est que si tu penses pas comme le discours narratif officiel, tu es catégorisé de complotiste, covidiot, dédenté. On cherche à insulter les gens, les culpabiliser, les diminuer, les rabaisser. On fait présentement une forme de chasse aux sorcières, là, avec différentes personnes qui s'opposent aux mesures, là, pour les diaboliser, là. C'est vraiment gênant ce qui se passe au Québec. En tout cas, au prix qu'ils mettent pour la propagande, on doit être dérangeant en tabarnak, les Québécois. Oui, puis tout. Qu'ils nous poncent le cul à journée longue avec les hosties de propagande, dites-vous bien que c'est parce que ça marche pas. OK? Ben, ça marche pas autant qu'il voudrait, mais ça marche quand même assez, dans le sens que depuis bientôt un an, au mois de juillet, les commerces, les gens à l'intérieur, ils se promènent tous avec le masque. Oui. Mais c'est quoi le... Ben, Excuse-moi, j'ai vraiment c'est-à-dire que. perdu le fil. OK. C'est pas au niveau du vaccin, mais la propagande qui a été mise en place, que là, faut que tu portes le masque à l'intérieur, puis tout ça, la population a embarqué, parce que Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas de contravention. La plupart des gens qui mettent un masque présentement dans la face aux Québécois, là, c'est parce qu'ils veulent avoir la paix, sa contravention. C'est tout. Ils ne veulent pas de chicane. Mais qu'est-ce qu'ils pensent en arrière-plan? Moi, c'est ça que j'aime des Québécois en passant. Il va pas chicaner le Québécois. Il va pas faire comme un Français. Il discute pas le Québécois. Il fait à sa tête. Puis il fait fuck you. C'est ça qui se passe. Puis Legault, il est pas en contrôle du peuple québécois. C'est le peuple québécois qui fait silence. Mais dans le silence, ils vont pas, t'sais, nécessairement aller se vacciner. Dans le silence, ils vont rester peinards et attendre. C'est ça le peuple québécois, on attend. Ils ont raison, on a raison d'attendre. Ils n'ont pas atteint encore 40 % de la vaccination, chérie. Le 75 % qui parlent, là, c'est les vieux qui sont vaccinés. Puis ça, on ne les a pas demandé la permission, ils les ont shootés. Fait que... Ou comme j'écoutais à la studio Théo Vox, c'était une belle entrevue qui a eu cours récemment. Il y avait Jean-Jacques Crèvecoeur, l'animateur, là, Jean-François. Ben, ce qu'il disait, c'est que lui, il connaissait une dame là, de 90 ans. Puis la dame, elle s'est fait dire, voulez-vous vous faire vacciner? Elle dit non. Puis là, elle s'est fait isoler dans sa chambre. Fait que là, après un certain nombre de temps, ben, elle dit oui, je veux le vaccin pour sortir de l'isolement. Fait que c'est comme une manipulation. Oh, je viens tellement en crise quand j'entends ça. Là. Je viens en dedans, vibratoirement, là, je viens en tabarnak. Comment peut-on? Je ne sais pas c'est qui travaille pour ces gens-là, mais il faut vraiment être fait, pas comme moi je suis faite, parce que c'est impossible. Je ne pourrais jamais poser un geste comme ça à quelqu'un. Jamais. S'imposer de même aux autres, c'est effrayant. Voyons donc. Malade. Oui. Malade d'écouter ça. Ben oui. Malade d'écouter, d'aller vacciner une personne qui n'en veut pas, puis la mettre dans un trou en attendant. Comment vous pouvez faire vivre ça à des gens de 90 ans, gang de taouins de calice? Ah oui. Hostie de gang de pain. Je peux bien comprendre qu'aujourd'hui, les enfants sont masqués comme des cons quand il n'y a même pas de maladie. Ben, c'est-à-dire que le virus existe. Là. Je dis pas que le virus n'existe pas. Par contre, les jeunes, dans les statistiques que Quelqu'un j'ai dans vues de le champ l'INSPQ, il de n'y en a pas qui en meurent. Non. J'ai pas dit que le virus n'existe pas. La grippe n'existe pas, peut-être. Voyons, Chris, réveillez-vous, c'est un SRAS-2. Un SRAS-2, c'est une grippe atypique. Puis là, on va faire une crise d'honneur avec de la vaccination, puis rendre nos enfants malades. Puis on ben là, je ne sais pas quoi faire. Ben là, le gouvernement. Calmez-vous, Chris. Quand tout le monde porte dans une direction, arrêtez-vous puis réfléchissez. Chris, ça n'a aucun sens. Ah oui, Oh, les gens moi, sont hystériques. c'est vraiment tabarnak de voir ça. Réveillez-vous! Mon message, c'est réveillez-vous! Pensez-vous que les forces vont venir vous sortir de la marde? Bullshit, calice! Jamais les forces vont venir vous voir, vous sortir de la marde! Ils vont vous mettre dans la marde! Parce qu'il faut agir, bouger, sortir de l'eau chaude. Regarde comme je suis en crise, là. Je t'avais dit, je sais pas quel bord je vais prendre, David. Non, non, mais c'est bien correct parce que Tout tu. le monde attend le secours extérieur. C'est pas notre double, mais le voisin. Oui, mais tu l'as dit tantôt, les Québécois attendent. Hein? Tu l'as Pardon. dit tantôt, les Québécois attendent. Eh oui, on attend de souffrir tellement. Mais c'est ça, souffrir. Moi, je suis sortie de là. Ce qui me fait souffrir, c'est de voir que vous bougez pas. Mais je suis pas obligée de regarder ça. Je peux couper, là. C'est parce qu'on en parle. Il y a 5 minutes, je parlais. Je parlais pas de ça, puis je m'en crissais. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est l'illusion qu'on va se faire sortir de la marde par quelque chose d'autre que de nous-mêmes. Exactement. Exactement. Puis là, l'histoire du vaccin sauveur, parce qu'autrefois, on attendait la venue de Jésus. Là, c'est drôle, j'ai écouté un bulletin de nouvelles quelques instants avant qu'on parle aujourd'hui de TVA, qui nous disait que là, à cause du variant indien, ben là, ça pourrait représenter une menace. Puis là, ça se peut que le vaccin soit pas efficace contre lui. Tiens, tiens. La solution qu'on nous présentait comme étant le vaccin pour nous sortir de la crise dans les prochaines semaines, ça sera peut-être pas ça, hein? Ben, c'est pour ça que je trouve que le monde est niaiseux. Parce qu'un virus, ça mute, ça fait un crise de bout que le COVID-19 est plus là. On doit être rendu au COVID 3500. Reste des mutants. Allez à l'école. Si vous savez pas de quoi je parle, là, je m'excuse, je suis baveuse, là. Mais là, j'étais écœurée de que 2 plus 2 font 8, moi, Chris. Hey, ça va faire. Prenez-en des cours de biologie de base, là, puis étudiez c'est quoi des virus, là, puis comment ça fonctionne. Parce que c'est rien que ça. Un virus, ça mute à partir du moment où il était activé. Il change de forme, comme nous autres, depuis des millions d'années. Ah, ben oui. Fait que le COVID-19 qui vous shoote pour, ben, il est mort depuis longtemps, cette crise de virus-là, puis c'est tous les mutants. Fait que là, on va être poigné pour aller se faire vacciner à tous les semaines, ben, à tous les mois. Ben, no fucking way, il n'y a pas une hostie de piqûre qui va remplacer mon système immunitaire, tabarnak. Allumé. Ben Ils oui, veulent mais. remplacer le système immunitaire par un pic-pic-pic petit numéro. Ben oui. Puis on est là, moi y aller. Bullshit! C'est ça, mais derrière ça, ce qui est intéressant de voir, c'est l'engrenage. C'est-à-dire qu'on commence par une petite piqûre, ensuite, il va y avoir une autre piqûre, puis ensuite, une dose de rappel, puis ensuite, ça va revenir à chaque année. Fait que là, ça va prendre un passeport vaccinal pour entreposer toutes ces données-là. Puis éventuellement une puce sous la peau ou reconnaissance biométrique avec un système d'intelligence artificielle pour tout gérer ces données-là. Donc, on s'en va vers le traçage numérique de chaque être humain. Et c'est ça l'engrenage que je vois là, derrière cette vaccination-là qu'on veut là, régulière, là. Oui, mais il y a quand même la moitié de la planète qui n'arrivera jamais là. Ce que je veux dire, c'est que c'est impossible à implanter, à part chez des gens comme nous autres, des Occidentaux peureux, qui ont peur de leur trou de cul quand ils vont chier. Si tu parles à un Africain comme de nous, là, il est roulé à terre puis il nous trouve gnang gnang gnang. Parce que on sait. Mais oui, mais c'est vrai ce que je dis. On a tellement vécu avec l'idée que se laver, il faut être asymptomatique. Comment on appelle ça, là? Désinfecter les Et mains, puis là, c'est oui. rendu que quand un enfant mange de la terre, c'est la fin du monde, c'ti. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, 15 ans, quand les enfants, plus que ça, il y a 20 ans, quand les enfants faisaient du vélo, on me traitait d'une mère pas fine parce que les enfants n'avaient pas un casque à la tête, des mitaines, des genouillères, puis je sais pas quoi encore. J'ai Chris, ils font rien que du vélo, ils sont pas en train de se crisser dans la face d'un mur, là, c'est quoi? Et là, s'ils tombent, ben, ils tomberont, c'ti. Puis ils se graffineront une petite patte. Ben oui, toi, tu parles d'une histoire plate. On s'en est pas rendu compte, mais on est rentré dans une espèce d'obsession de sécurité totale. Oui. Et ça, c'est votre mort. C'est-tu clair? La sécurité que vous voulez aller chercher, moi, je veux rien savoir de ça, je serais pas morte. Moi, je passe à autre chose, c'est sûr. Vous allez en crever, Chris, si vous le faites. Puis vous allez revenir sur ce Chris de planète-là au moins 3000 fois, si c'est pour corriger l'erreur. Ben, c'est ça, c'est parce que. Lire, là, je m'amuse, mais. Oui, c'est ça. Derrière cet environnement aseptisé qu'on a mis en place dans nos sociétés au fil des décennies, c'est la peur de la mort puis le désir du risque zéro. C'est ça. Mais C'est ça, c'est que derrière ça, c'est l'agenda aussi astral, où ce que la personne a moindrement qu'elle fait quelque chose qui dévie de la norme, a peur, puis ah, je vais peut-être attraper le virus, j'ai peur. Fait que les gens sont gardés dans une dynamique où ils vont créer les chaînes de leur propre prison, là, t'sais, les murs de leur propre Je prison. m'adresse à du monde qui se disent éveillés. Moi, là, la masse d'or, là, dormir, en crise. Mais quand je parle à David Lévesque, je suis posée parler avec du monde qui ont de la conscience, puis de l'éveil, puis ce que je vois, c'est des chieux en arrière de leurs ordinateurs qui capotent. Fait qu'arrêtez de capoter, là, puis levez votre bout individuellement, puis faites votre part, en tant qu'individu pour vous-même. Moi, j'ai rien à faire pour me faire vacciner, ils ne me vaccineront jamais. Oubliez ça, si je vais finir en prison, ils vont me tordre un bras, ils vont me tirer une balle avant, je ne le sais pas, mais il va arriver quelque chose. Je ne serai pas là, je ne le sais pas. Mais ma décision est prise. Prenez une décision, si. C'est ça, je veux dire, il faut prendre une décision, puis que c'est par en dedans que les solutions vont venir, puis que c'est par en dedans que les choses vont se régler, oui. Exactement. Par contre, c'est sûr que tu t'exposes à vivre dans l'apartheid sanitaire. Donc, il y a déjà eu l'apartheid en Afrique du Sud, puis au sud des États-Unis, où les gens qui étaient de couleur ne pouvaient pas aller au restaurant, au café, même aux toilettes. Dans certains cas, il y a des toilettes réservées seulement pour les Blancs. Mais là, ça ne sera pas une apartheid sur la couleur de peau ou l'ethnicité, mais ça va être le statut virologique. Irai vivre en Afrique, je m'en fous, je vais aller vivre ailleurs. Si c'est ça, parce qu'en Afrique, ça passera pas, ces niaiseries-là. Ils ont été vaccinés, puis ils savent c'est quoi que ça a fait. Vous devriez vous informer. Ils ont stérilisé une grosse partie de l'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez que le sida, il part d'où le sida, Chris? D'injection de vaccination en Afrique, du Centre-Afrique. Ben C'est des oui, théories complotistes, ça. je raciste, ça me dit T'as-tu des un preuves scientifiques? ben oui, quand on va les avoir les preuves, au moins de la moitié de la population mondiale va être vaccinée puis mort. Eux autres, ils ont pas, ils savent, ils ont vu les preuves, les Africains de l'Ouest, entre autres, l'Afrique de l'Ouest que je parle, l'Afrique de l'Est, je connais moins, mais ils ont connu ça, les vaccins, puis toutes les niaiseries, puis la stérilisation. C'est pas vrai que ça stérilise pas du monde. Allez le demander, voir, eux autres. Premièrement, le COVID-19 au Sénégal, sais-tu comment ils l'ont traité? Avec la chloroquine. Le Maroc vient de décider de retourner à chloroquine, là. Fait que nous, les épais, on va aller se faire vacciner. Pourquoi vous pensez qu'ils ont tout coupé les médicaments qui traitent la COVID, dont la chloroquine et le protocole de Didier Raoult? Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a un médicament qui fonctionne, ils peuvent pas imposer un vaccin. Exact. Et... Fait que là, faut pas qu'il y ait un médicament qui fonctionne puisqu'ils veulent rentrer le vaccin. Allumez! Informez-vous, puis réveillez-vous. Ça presse, là. On n'a pas rien qu'une main dans le tordeur. On est deux pieds puis le cul avec dedans, là. Donc, venez pas vous plaindre après qu'il est trop tard. Individuellement, il faut prendre une position. C'est ça que j'essaie de dire. Présentement, vous avez une position à prendre très claire individuellement. Puis là, vous allez dire, Mona est fatigante, elle nous fait sentir mal, là. Mais j'espère que vous vous sentez assez mal, soit pour décrocher, puis jamais écouter rien qui a rapport avec la conscience ou prendre position. Parce que, ah ben là, moi, je me conscientise. Ouais, ben dans l'action, c'est quoi que tu fais? Oui, Là, c'est exactement. la philosophie des spiritueux. Là. Puis si vous vous engagez dans votre vie vraiment, là, dans votre vie, dire, je vais me défendre, moi, Mona Hébert ou Joséphine, là, ça va avoir quelque chose qui va changer vraiment dans nos vies. Mais c'est sûr que ça se fait pas à travers la masse générale. Mais il y a une masse suffisante de gens conscients pour que ça change à la planète. Que ça va changer, pas parce que pas pour ce qu'ils pensent, eux autres. Ça va changer, mais contrairement à ce qu'ils pensent, c'est pas le plan qui passe. On avait dit que Trump reviendrait. Là, il y a du monde qui n'aime pas ça qu'on parle de Trump, mais moi, toujours pas changé d'avis, j'aime pas ça. Mais là, ouais, Mono, le mois de janvier est passé, ensuite il y a eu le mois de février, etc. Puis il n'y a pas eu de nouvelles de retour, là. Non, mais il y a des crises de bonnes nouvelles aux États-Unis depuis ce temps-là, par exemple. Ben, ils font le job. C'est parce qu'il faut regarder que le plan est tellement intelligent que ça m'a pris du temps, moi aussi, à saisir l'idée. C'est très, très, très intelligent. Pour éviter le chaos dans lequel ils veulent nous mettre, eux, les trous de cul de la planète, leur but, c'est de vous foutre dans la marde. Pour que le chaos s'installe, ben, justifier après ça toutes sortes de Des niaiseries comme la. mesures autoritaires, exact, comme le couvre-feu. Mais les gens l'ont compris, celle-là, comme tu peux voir. Aux États-Unis, ils passent par la justice, puis là, ils sont coincés un petit peu, la justice, parce qu'il y a de plus en plus d'États qui font des audits. Avez-vous vu ce qui s'est passé avec l'audit d'Arizona? Très intéressant. Mais attends une minute, juste pour bien te suivre. L'audit, les vérifications, donc c'était-tu par rapport au vote à l'égard de Trump? Ben, la région de Marie, Papa, Paula, Papa, Marie quelque chose, c'est en Arizona. OK. Il y a un territoire spécifique où ils ont voulu faire recompter les votes. Oui. Puis ils ont demandé un audit, ça a été accepté par le juge. Alors, ils ont placé l'endroit où ce qu'ils allaient faire l'audit. Ils ont placé des caméras, ils ont tout installé le stock, ils ont fait venir tous les bulletins de vote. Ça n'a pas pris 48 heures qu'il y avait 73 ou 72 avocats démocrates sur le terrain pour empêcher l'audit. Ah. Vous n'avez pas entendu parler de ça, Radio-Canada, hein? Ben non. Ben non, c'est pas là, il faut regarder ni à TVA. Vous ne le verrez pas. Mais c'est ça qui s'est passé. Là, le juge, quand il a vu ça, il est obligé de reporter. Et là, les avocats de cette gang-là ont demandé à ce que ils sachent où étaient les caméras à l'endroit où ils ont décidé de faire l'audit. C'est comme un immense aréna, OK? Il y a beaucoup de caméras parce que justement, ils veulent tout filmer pour justement voir s'il y a du monde qui triche dans le comptage. Fait que là, ils ont rendu ça public, Chris. C'était supposé rester secret. Fait que là, en rendant ça public, ils ont permis à du monde de rentrer dans le système pour fucker le chien encore. Mais ça a été dévoilé. Les Américains, ils voient éclair. Puis là, il y a un autre État qui vient de sortir. Puis l'Arizona, c'est pas terminé. Ils vont refaire le compte. Ils recommencent le calcul. Puis on défait, en tout cas, supposément, ce qui perturbait l'audit. Puis là, il y a un autre État, le New Hampshire, je crois, qui vient de partir une audit aussi sur le recomptage des votes de Trumpette. Ça va être dévoilé, la fraude électorale. Ils ont tout en preuve. Ce qu'ils font, c'est qu'ils le font lentement. Pour pas qu'il y ait de chaos, pour pas que les gens se mettent à pogner une coche, puis péter une coche, partir en guerre, justement. C'est pour ça que c'est dévoilé très lentement. À petite dose là, pour éviter qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis. Aux États-Unis particulièrement, mais ça a des impacts ailleurs dans le monde aussi, parce que j'ai jamais oublié que la tête de la bête est aux États-Unis. C'est-à-dire... Ben, le plus important noyau du Deep State, qui a noyauté, c'est aux États-Unis que le noyau est plus dur. C'est OK. là où ce qu'on atteint la bête plus fortement qu'il Ben, va la avoir. bête, c'est-à-dire... Tu parles de l'élite mondialiste? Oui. OK. Ben, en Ou de fait, il y a trois centres stratégie de... sociale de le détruire de cul. Ouais. Puis leurs ramifications à travers le monde. Mais Ouais. c'est parce qu'aux États-Unis, ce qu'on va devoir découvrir ici aussi, c'est qu'eux autres, les institutions sont noyautées. Là, on vient de voir que la justice est noyautée aux États-Unis. L'enseignement aussi. Mais ici aussi, les amis, ce que vous voyez là, chez Trump fait et compagnie, pensez pas qu'on n'est pas, on n'est pas dedans. Nous sommes dedans, noyautés jusqu'au cou. Que reste la mafia là, au Canada, au Québec, là, c'est pas d'hier que ça mène le monde en passant ici, là. Exactement. Et puis, c'est sûr que par rapport à la fraude électorale, quand même que ça serait démontré au fil des prochains mois, il me semble que ça va être difficile de destituer Biden puis de remettre Trump, là, vu que les gens vont être habitués à lui depuis plusieurs mois, tu sais. Non, non, la décision va être basée sur le fait qu'il y a eu des élections frauduleuses et d'implication là de d'autres pays dans la manipulation du vote. Fait que c'est terminé. Biden, il sort au quart de tour. C'est ça, je te dis, l'armée va rentrer. C'est sûr que l'armée rentre aux Mais États-Unis. Alexis Cossette-Trudel avait annoncé ça. Elle dit, donnez-moi un mois là, après la période où ce que Biden a été assermenté, c'était au mois de janvier, puis finalement ça n'a pas eu cours. Puis tu sais, là on est rendu, on se parle, on est au mois de mai, donc. Oh, mais ça, c'est parce que Cossette, il essaye de donner des dates. Moi, j'ai jamais donné de date. J'ai juste dit que Trump revenait. Quand? On verra. Mais moi, il revient cette année, c'est sûr, en 2021. Mais sous quelle C'est forme? l'histoire des États-Unis. Rien à foutre avec ça. Il a été voté et élu. Point à la ligne. Les gens ont voté pour lui, puis les gens le savent, ça. Que vous soyez d'accord ou pas avec ça, les Américains, ils savent pour qui ils ont voté, eux autres. Oui, Mais ça mais... a démontré la fraude. Là. Ceux qui suivent ça, Lindell, là, toutes les preuves. D'ailleurs, si les gens suivent Lindell, c'est très intéressant. Mike Pillow, le propriétaire de MyPillow. Mike Lindell, allez voir ça. C'est traduit en plus. Tout a été traduit en français, là, si vous voulez voir les preuves qu'ils ont de la fraude électorale. Mais ça va se faire en douceur. Ça va se faire. D'après moi, ça sort d'ici un mois ou deux maximum. Après, Ben, moi, on va. la fraude électorale, bidon, il saute. Puis il n'y a On... plus de preuves, là, il n'y a plus de président, fait que ça va être l'armée qui va être obligée de prendre la place. Parce que même si on dit que c'est Trump qui est élu, si on prouve que ça a été triché les élections comme ils le disent, puis qu'ils ont la preuve, bien là, les États-Unis se retrouvent temporairement sans président parce qu'ils vont mettre l'armée pour pouvoir maintenir l'ordre, puis probablement qu'ils vont décider s'ils ne font pas une réélection, suivie cette fois-ci par d'autres mondes que le Deep State. C'est tout ça qui va se démanteler dans notre face d'ici 2, 3 mois, d'après moi. C'est déjà commencé pour moi. On verra bien parce que On verra. c'était ce scénario-là que Alexis Cossette avait annoncé là, pour le début de l'hiver. Ça s'est pas actualisé. Puis moi, j'ai l'impression qu'à mesure que le temps passe, puis à mesure que les gens se sont fait à l'idée que c'était Biden là, qui était au pouvoir, là, tu sais, l'espoir qui tombe a diminué, là. Ben oui, c'est justement là qu'il va tomber parce qu'il n'y a plus d'attente. C'est inévitable, ça, je vous le dis, ça va arriver. J'ai toujours dit que ça arriverait. J'ai jamais dit de date, ça, c'est Cossette, c'est une chose. Moi, ce que je disais, c'est que Trump, ça me disait par un an, il va revenir. C'est encore lui, c'est encore lui. Puis quand je pose la question, c'est encore lui. Sans savoir tout ce qui se passe dans la politique, oublions l'intellect, là. On l'avait l'information de David, si on réécoute les audios qu'on a faits. Oui, On en parlait avant même que Cossette en parle. oui, ben à l'automne, on s'était Même parlé. Cossette savoir ce que je pense en passant. Je lis l'information, mais Cossette y amène quelque chose que moi, je n'ai pas. Une connaissance beaucoup plus approfondie, je dirais, de la politique internationale américaine. Mais si on a un bon contact, l'info, on la reçoit. Oui, c'est ça, lui, une compréhension intellectuelle, tu sais, Alexis Cossette, là, d'ailleurs, ça a été une personne là, qui nous a mis de l'avant là, plusieurs informations là, qui sont pas abordées dans les médias de masse. C'est sûr que s'il y a des gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur le... En fait, il est présent là, sur différentes chaînes, là, dont Odyssey, là, avec Radio-Québec, là, Oui, comme en tout cas, comme moi je le considère comme un spécialiste de la politique américaine. D'ailleurs, il ferait très bien comme journaliste, là, c'est qui à Radio Tralala là, qui fait ça, la politique américaine? Je lui vois à face pour qu'elle me dire son nom. C'est un journaliste à Washington. Joe, lui, après. Là. J'écoute pas, mais des fois j'écoute Richard, la tendresse, sur les ondes de TVA. Oh, je mélange, c'est TVA alors. C'est lui. Lui, là, il y a Sleepy Joe, puis lui, Everest. Oh, my God! Je serais capable de faire du job, là, les amis. N'importe quelle crise de Taouin, je serais capable de faire ça pour 100 000 par année, là, en passant, hein, US, c'est n'importe quoi. Il dit rien. Il fait rien que répéter un discours depuis des années, qui est toujours le même épais discours contre Trump, il est même plus là. En tout cas, ceci dit, j'espère qu'un jour, M. Cossette sera notre reporter de journalistique de la politique américaine, parce qu'il fait bien son travail, lui, étrangement, avec une marge d'erreur de 5 % à peu près. Surtout quand il passe des dates, là, il se plante en crise. Ouais, ben c'est ça, là. C'est parce que lui, il a créé des attentes, là, tu sais, depuis la fin de l'automne en disant, ah, vous allez voir, pour la sermentation, il va se passer quelque chose avec l'armée, Biden va être empêché, puis là, l'armée massivement au Capitole, puis finalement, ben, il était assermenté pareil, là, Biden, là, en début janvier. C'est un plan qui n'est pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de mot, mais le mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un plan dans lequel il y a de l'espace pour ajuster. Parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais ils savent aussi qu'il y a plus. Tu sais, mettons que je pose tel geste, mais il y a telle conséquence possible de réaction, mettons. Mais eux, ils savent, c'est ça que je dis, ça dépend de comment ça réagit, ça s'ajuste. Le plan s'ajuste en fonction de ce qui se passe dans le moment. C'est pour Oui, ça que ben je je dis. comprends ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme les mesures de restriction. Tu vois, le couvre-feu, ils font le yo-yo, à Manille, il est 20h30, à Manille, il est 20h. Oups, il y a une manifestation le 1er mai. Finalement, on va le mettre à 21h30. Donc, il y a un jeu qui s'est fait, puis dans la manifestation du 1er mai qui a eu cours à Montréal, les policiers n'ont pas à arrêter les gens parce qu'ils ne portaient pas le masque lors des manifestations, alors que c'est obligatoire. Parce que il serait sans doute il y aurait eu sans doute de la difficulté, il y avait au-dessus de 30 000 personnes. Ben moi, j'y étais, là, puis fois 3, ton 30 000, OK? Ben, c'est pour ça que Arrête j'ai dit d'écouter tes au-dessus. proches, c'est pas bon pour ta santé. On n'était pas 30 000, j'étais là. Oui. J'étais là avec des amis, puis nous étions vers 2 h de l'après-midi, au moins 80-90 000. Puis en passant, j'ai salué tous les policiers inimaginables que vous pouvez voir. Ils étaient tous fins comme des soies. Puis est-ce que tu portais le masque? Ben non, quand Bon, même. ben. Puis d'ailleurs, je me vois sur un des. Je le dis, là, mais je me suis Oui. vue sur un des vidéos. Je ne dis pas qui, de quel lanceur d'alerte, parce que je ne veux pas qu'on aille les voir. Puis là, j'étais là, puis je riais avec mon amie Sylvie. On faisait des conneries, puis on n'avait pas de masque, puis on faisait des bye-bye. Mais quand je me suis vue, j'ai fait des crises, je peux t'identifier, moi. Ben oui, je serais identifiée. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'enlève? Mon nombril? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec quelqu'un comme moi qui n'a pas de prise, que je dépends de personne pour vivre, à Pour part moi? l'instant, mais tu sais, c'est un commerce, tu sais, il pourrait y arriver à un moment donné. Je m'en crisse, je tiens à rien. À rien. Je m'en calisse, les amis. C'est ça que vous ne comprenez pas? J'ai assez vécu de marde dans ma vie, puis de tension, puis de souffrance pour me calisser de la forme. En crisse, à part ça. Je me fais une forme, je la défais, puis je m'en refais une autre, puis je la défais. Je m'en fous. Je m'en fous. Si j'ai plus de place ici, je vais juste disparaître. Puis bye-bye. Je vais passer à autre chose. C'est ça que le monde n'est pas capable d'assumer, c'est de perdre une forme. Ben ouais, mais t'en construis une autre. Une forme, quand t'as pris enfin, c'est parce qu'elle n'est plus nécessaire, c'est tout. On est dans la matière, on utilise la forme, mais la forme, si elle est éliminée parce que l'événement fait qu'il n'y a pas de hasard, je ne suis pas victime de l'événement, je m'en crisse. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils m'ont enlevé. J'ai même plus de sexualité, j'ai plus de désir, j'ai plus de besoin, j'ai même plus de passion. Qu'est-ce qui me reste, moi, Chris, à part mes deux jambes, mes deux yeux, puis ma tête? Pas grand-chose. Je rencontre du monde, puis j'ai plus d'état, je vis plus rien émotionnellement, il n'y a plus rien. C'est à part ma colère, là, c'est tout ce qui me reste. Mais c'est quand même Oui, beaucoup. j'ai de la colère, c'est Ben oui, clair. mais c'est quand même bien d'avoir cette colère-là parce que à ce moment-là, ça t'empêche de sombrer dans la peur puis dans le chantage que vivent plusieurs personnes là, en lien avec les mesures puis le. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été échaudés. Si je pense aux propriétaires là, du gym à Québec là, qui voulaient réouvrir le commerce lors du printemps 2020, puis que curieusement, c'est la même personne qui a dit « Ah, il y a eu une éclosion massive de cas de coronavirus dans la ville de Québec au multi-gym. » Ben moi, si moi, ce commerce-là, si ça m'avait appartenu, j'aurais pas eu la réponse qu'il y a eu, moi, là. J'aurais pris les subventions du Christ de gouvernement canadien, puis je les aurais poursuivis tabarnak. C'est ça que le monde veut pas faire. Ah oui, moi, j'ai déclenché quelque chose. Prouvez-moi ça maintenant. Ah ouais, il y a une poursuite en cours pour diffamation, perte de réputation, atteinte à ma réputation, 2 millions de dommages et intérêts. On verra bien ce qu'ils vont répondre. Mais on fait pas. Mais non, oh, mais là, on est enfermé, mon gym. Puis là, les médias comme TVA étaient contents en disant c'est de sa faute, c'est lui qui voulait que les gyms soient réouverts, puis il a mis de la pression au gouvernement, puis il l'avait fait plier au printemps parce que les commerces déconfinaient. La manif, David, ils viennent de. C'est des stratégies de propagande, c'est ça qu'on a. C'est pour ça que je dis là, depuis les écouter, même ils ont fait ça avec la manif du 1er mai, là, ils ont pogné un gars de la Beauce, supposément qui est malade. Ils ont déclaré que la Beauce serait peut-être responsable de la quatrième vague! Gang de malades! Ils ont dit ça à TV, j'étais là. C'est un médecin en plus qui dit ça, c'ti. Devant. Là, le gars qu'on dit qu'il était malade à l'hôpital, il a fait sa sortie aujourd'hui. Vous devriez aller voir. Son nom, c'est Bellevue. C'est un gars de la Beauce. Samuel Grenier l'a mis sur sa page, si jamais les gens, ça l'intéresse, sur Samuel Grenier, sa page publique. Il a mis le petit 3 minutes du monsieur qui est supposé être à l'hôpital malade. Il est en pleine forme, le petit monsieur. Puis il n'est pas à l'hôpital. Mais il a reçu la police chez eux, par exemple, pour avoir été dénoncé. Puis qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Les 48 noms dans l'autobus. Dans l'autobus, sinon il y aurait une contravention de 6 000 $. C'est pas du chantage, ça. Ben oui. C'est pas de la propagande. C'est pas une dictature. Tu sais qu'est-ce qu'il a répondu, le petit cul? Non, vas-y. Il dit, je prends la contravention de 6 000, je signe non responsable, puis venez me faire chier encore voir. Yes, there you are. Ça, c'est un gars de la Beauce. Pas un chieux à Montréal, le qui a pas. Puis à Québec. Non, non. Les gens de région, des campagnes, là, ils en ont vu d'autres, hein? Mais en ville, on a un petit peu de misère avec ça. On est dépeureux, les gens de la ville. Dépeureux. Ben oui. Je confirme. Je viens de la campagne, puis j'ai toujours trouvé le monde de Montréal chieux. Mais bref, tout ça pour dire que il mente. Ben Il ment. oui. Il cherche des cas, puis il cherche des histoires. Puis le gars de la Beauce, c'est monté de toutes pièces. Il faut le faire. Moi, si les gens n'aiment pas là, que les journaux vous mentent, là, puis que vous. Tu sais, l'autre fois, quelqu'un disait ça, Dan Pilon disait ça. Les gens, mettons, lisent la presse, puis ils cliquent là-dessus, puis ils nous envoient ça. Moi, j'en ai une qui m'a envoyé ça l'autre fois, j'ai répondu, moi, je lis pas la presse, puis c'est pas depuis le COVID-19, ça fait 22 ans. J'ai pas lu Le Devoir ni la presse depuis au moins 22 ans, mesdames, messieurs. J'ai-tu l'air dommé pour autant? Non, je suis mieux informée que la plupart des gens. Parce que mes sources d'information sont pas mal plus neutres que ça. Mais c'est pas d'hier que je sais qu'on se fait fourrer, là. Non, mais ça fait de longtemps. C'est juste que là, c'est comme l'accumulation de la manipulation. Puis des fois, j'écoute de Colin Show comme toi. Puis là, il reprend les articles de TVA, puis il montre comment qu'il manipule. Fait que des fois, c'est drôle, tu sais. Ben, c'est. Colin Show, hein, tu peux le dire à ta clientèle, aux gens, allez écouter ça, ce Ben gars-là, oui. il a une bolle d'analyse des faits, là. J'en connais pas mieux que lui, là. Non, c'est ça, Johannes Colin qui s'occupe de cette émission-là. En fait, c'est présentement sur Facebook. Habituellement, il fait au moins une vidéo par jour sur semaine. Fait qu'il est quand même très assidu. Et puis, lui, ce qu'il fait, c'est une analyse journalistique. Puis, il reprend les sources officielles, puis il montre l'agenda derrière ça, vers où on veut nous amener. Puis, comment qu'on est manipulé là, à travers les nouvelles et la propagande médiatique. C'est incroyable. Il défait les mensonges aussi de la presse. Oui. Il part de le fait à eux pour te montrer. Il en parle de l'Inde en passant, hein, puis il est allé faire l'exercice là de aller voir le Colin Show sur l'Inde. C'est une hostie de farce, ça, là. C'est pas vrai que les cadavres meurent en Inde, les gens meurent, là. Comme dit Cossette, ils en meurent depuis un crise de bout en Inde. Les cadavres, ils en ont vu d'autres. Oui, il y en a pas mal de gens qui meurent dans la rue en Inde en passant, pas juste à cause du COVID. Mais ce qui se passe avec la supposément COVID, c'est pas vrai, ça, là. En termes de pourcentage, ils ont moins de morts en termes de pourcentage relié à la population que nous. C'est ça. Mais avec le biais médiatique, TVA va dire, ah, 300 000 nouveaux cas aujourd'hui, mais ils ne mettent pas en contexte que c'est une population d'au-dessus d'un milliard, alors que nous autres, on est à peu près 8 millions. Oui, puis là, ils te montrent des photos de cadavres de gens. Et là, Cossette, il avait montré ça, j'ai tellement ri. Il a pris l'image que la TV nous avait montrée en Inde de la personne décédée sur le bord d'une cabane. Il a retrouvé la même photo quelques années d'avant, la même crise de photo, la même cabane. J'ai tellement ri, là. Mais c'est pas drôle, mais en même temps, c'est drôle parce que si on se met à vraiment plus écouter ce qu'ils nous disent, à trouver les bonnes sources d'information, que ça peut être votre canal en passant, comme je disais tantôt, quand on parlait, toi puis moi, avant, moi, j'écoutais pas Cossette il y a 2 ans, là, ni même un an et demi. Moi non plus. On avait l'information. La même information que lui, mais moins détaillée parce qu'on n'était pas dans le détail intellectuel, tu sais. Mais en réalité, la slot, on l'avait-tu? C'est la même affaire. Fait qu'on a nos réponses. Là, ça, je veux dire, on peut avoir nos propres réponses. Si vous n'avez pas de réponse, allez voir au moins du monde qui ont des réponses un peu plus étudiées, comme Colin Show ou même Samuel Grenier, que je connaissais pas. Je trouve qu'il s'adresse à une clientèle. Quand il voit les gens souffrir, moi, ça m'a touché parce que c'est ça que je vois le plus, c'est de voir la souffrance chez les Donc, je voudrais à présent discuter avec toi du zéro conflit. C'est-à-dire que tu mentionnais en préparation de l'enregistrement d'aujourd'hui que tu avais écouté un enregistrement de Bernard de Montréal. Donc, Et Daniel, ensemble, de Bernard et Daniel. OK, donc les deux en entrevue. Et il était question donc du zéro conflit. Donc, si tu veux élaborer un petit peu là, sur ce concept. Ben, ce qui m'avait, je suis tombée par hasard, là, comme par hasard, on est toujours dans le hasard, il n'y a pas de hasard. J'écoute ça la semaine dernière sur comment socialiser quand tu développes de la conscience dans ta vie, ça devient des fois difficile. Puis ce qui ressortait surtout, c'est qu'il faut développer zéro conflit. Puis là, il poussait la machine en disant que même un jour, on aurait comment dirais-je, un ordre mondial où il y aurait zéro conflit. Excuse-moi, j'ai une petite apparition d'une petite icône, ça va disparaître dans quelques secondes. Donc, moi, ce que ça m'a allumé, c'est que je me suis dit, comment ne pas être en conflit dans une période, mettons, que tu es contre d'aller te faire vacciner. Tu rentres-tu en conflit avec les gens avec lesquels tu ne veux pas aller te faire vacciner? C'est quoi? Moi, ce que j'en comprends, c'est zéro conflit, c'est dans la mesure où tu te respectes toi aussi, tu sais, dans le sens où si moi, je ne veux pas être vacciné puis que tout le monde va aller se faire vacciner, c'est moi qui vais sortir, tu comprends? Si, mettons que ça passe, que la société québécoise a décidé d'aller se faire vacciner au complet, ben moi, qu'est-ce qui me reste comme solution si je ne veux pas entrer en conflit puis pas perdre contact avec moi, ce que j'ai comme information, c'est de me déplacer. C'est pour ça que je te dis, ça se Mais pourrait que ça, j'ai c'est mis. dans une logique de l'évitement, tu sais. Tu peux. D'éviter? Non. Ben, c'est-à-dire que, mettons, tu évites de vivre dans la société québécoise pour aller vivre ailleurs. Ben, si vivre dans la société québécoise, c'est de m'obliger à me vacciner, puis d'aller là aux 3 mois, puis de perdre ma job, puis de vivre du gouvernement, quand c'est sûr, je décris. C'est certain. Mais je ne me mettrai pas à Mais ma là, place. c'est parce que si ça te prend le passeport sanitaire pour prendre l'avion, pour quitter le Québec, tu vas peut-être avoir un problème. Je sais marcher. Les frontières américaines, c'est pas loin à pied. Ben beau chemin Roxham, là, le faire à l'inverse, mais Plein de gens qui rentrent par là, on pourrait peut-être en sortir. ça pourrait peut-être aller dans l'autre sens, mais je suis pas sûr que les Américains vont être aussi menaces que les Canadiens. On va m'acheter un petit bateau, on va aller flotter sur un ponton, aller vivre sur un ponton dans le sud. Là, je blague. Je dis n'importe quoi. Tout ça pour dire, sans conflit, ça veut dire quoi? C'est jusqu'où ça va? C'est ça que je voulais élaborer avec toi, Ben oui. parce que c'est pas si simple que ça. Ben, pose-moi des questions parce que de même, je sais pas, là, c'est difficile pour moi. Il faut que j'aie un petit peu de Oui, questions pour je vais répondre être à là pour ça. te stimuler. Donc, on parle de zéro conflit. Est-ce que c'est dans le sens que les gens vont vivre en harmonie? Ben, dans l'avenir, oui. Dans un avenir assez éloigné encore, soit-il. Présentement, tout ce qu'on fait, c'est on divise pour régner dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est sur le pouvoir. Mais c'est ça qui prend fin, là. C'est la forme qu'on voit qui prend fin. On peut très bien vivre avec les autres sans nécessairement partager toutes les mêmes valeurs, puis pas être en conflit. On le vit en microcosme. Je veux dire, moi, je ne veux pas parler de moi, mais je vis en couple ethnique depuis 35 ans. Je ne suis pas en guerre. Il a fallu que j'apprenne à composer avec la différence, mais ça m'oblige pas à être je suis pas obligée d'être en conflit avec la différence, tu comprends-tu? Je peux être différente, l'autre accepte la différence, puis on trouve un terrain commun pour tout ce qui est social, tout simplement. C'est faisable. En quoi c'est un problème de vivre en paix sur la planète? Ben, c'est l'ego, souvent l'orgueil, le désir d'avoir raison. Pouvoir, le Ouais. style de pouvoir sur l'autre. Exactement. Puis lui imposer des choses, là, des bien-pensants qui veulent imposer la vaccination pour sauver des vies. Puis Non, là, ils avant, croient faire le les bien. bien-pensants, c'était religieux, là, maintenant, c'est la vaccination. Ben, on est rendu avec la sainte religion sanitaire, que c'est un dogme avec des croyances. Religion, c'est vrai. Ben oui, tu sais, on a des dogmes, comme la croyance que le couvre-feu, ça marche. On n'a toujours pas d'études scientifiques qui le démontrent. Même chose pour le port du masque dans les lieux intérieurs. On n'a pas de preuves scientifiques, mais on croit ça d'une manière aveugle. C'est ça. Vive la croyance. C'est ça. Tu sais, moi, la façon que ce que je vois, ce que vit le Québec, tu sais, on a eu l'obscurantisme religieux, là, dans le temps de Maurice Duplessis. qui gouvernait, puis avant, là, on a tombé dans l'obscurantisme sanitaire, où les gens sont obnubilés puis fascinés là, par la médecine, les médecins, puis les spécialistes, puis les virologues. C'est On ça. n'a pas à s'en sortir. Imagine l'importance, tu sais, d'avoir un contact intérieur clair. Parce que là, on est rentré dans la désinformation, là, pas à peu près. Et Bernard disait ça, pas chanceux, c'est Daniel qui disait ça, pas chanceux dans l'avenir, celui qui n'aura pas le contact avec son double. Ça ressemble à ça, là. Parce que si Ouais. tu n'as pas le contact et que tu es désinformé, comment tu vas savoir où est-ce que tu vas? Il y en a une couple qui vont passer à côté de l'aplomb, là. C'est ça, puis c'est pernicieux parce que qui peut pas avoir le contact qui veut, mais qui peut? Ça prend la stabilité mentale pour être capable d'intercepter l'énergie puis pas péter aux frettes, comme on dit. C'est pour ça que le COVID-19 est important, David. Ça, là, c'est une bombe pour réveiller le monde. Pas une bombe du Deep State, contrairement à ce qu'ils pensent. Pas eux autres qui pensent, ça se dit, pas plus que toi. Fait que ces taouins-là, ils pensent qu'ils pensent, mais en réalité, ils se font charrier par d'autres choses, c'est bien plus grand. Ben oui, ils croient qu'ils pensent qu'ils sont en contrôle, puis là, ils vont implanter le passeport sanitaire, puis éventuellement l'identité numérique, prendre plus grand contrôle sur la population, mais en réalité, ils réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Non, puis ce qu'ils réalisent pas, c'est que ça se fera encore moins ce qu'ils pensent, parce que c'est justement parce que c'est tellement bien pensé que là, tout ce que c'est l'apparence, on pense, là, on rentre dans le tunnel de marbre. Autrement dit, on est dans noirceur. Et on voit plus clair, là. On ne sait plus qui croire. Là, on est dans nous-mêmes avec nous-mêmes. Mais il y a une fin à ça, ce tunnel-là, où est-ce qu'on va ressortir? Et c'est là que je te dis que l'info va sortir. D'après moi, d'ici le mois d'août, ça va sortir beaucoup, l'information, la magouille. Pour là, ça va être difficile d'implanter quoi que ce soit. Le canet vaccinal, je te dis qu'il va prendre le bord quand ils vont être dévoilés. Pour ça, je dis qu'ils n'arriveront pas à l'implanter. Là, ils accélèrent les choses parce qu'ils savent qu'il y a de la merde qui s'en vient, puis il faut qu'on se dépêche pour. Ben là, ça a déjà commencé. Il est question publiquement dans les médias de masse là, qu'il y a eu des cas de thrombose là, de gens qui ont eu le vaccin d'AstraZeneca, qu'il y a Il y des a plus pays. de morts avec ça que de COVID. Il va y Comment? avoir plus de morts à la suite de vaccination qu'il va en avoir eu du COVID. C'est gros comme affirmation. Ben, c'est pas gros, c'est déjà commencé. Ils sont rendus à 4 000 morts aux États-Unis avec vaccination, là. Puis ça, c'est rien que les chiffres officiels qui seraient 1% de ce qu'ils nous disent vraiment. Chris, ça vous prend quoi? S'ils disent 4 000 à la TV, là, pensez-vous que c'est 4 000? Ben non, c'est fois 5, peut-être. C'est ça, mais on le sait pas. 30 000 à la manifestation du 1er mai. On n'était pas loin de 100 000, moi, je pense. Pas je pense, que j'étais là, j'ai vu des photos aériennes. On n'était pas 30 000. C'est sûr que l'information est déformée, mais je veux Ben dire, en même temps, les gens, ils tombent pas tous comme des mouches, là, présentement, du vaccin. oui. Pas plus qu'il y en a qui sont tombés comme des mouches du COVID qu'on nous a fait croire. Mais le vaccin, Ouais. blague, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant d'avoir les effets de ça. Ouais, ben c'est sûr qu'il y avait le microbiologiste Stéphane Guay là, de la chaîne Média Infocité qui parlait de la possibilité d'effet ADE qui pourrait Ouais. survenir là, dans les mois qui suivent. Il y a une généticienne française qui dit la même chose. Claude, c'est une généticienne internationalement connue, ça, une française qui est dans la poursuite avec les Allemands là, contre le crime contre l'humanité. Puis elle va venir comme témoin au Québec aussi Pour la dans la Fondation des droits la défense des droits et libertés du peuple. Ouais, elle a dit que les conséquences de cette vaccination-là, on va les connaître sur 2 ans. Mais il y en a déjà qui décèdent. T'as vu Jean-Jacques Crèvecœur qui a fait un montage déchirant de gens retracés morts Ouais. depuis la vaccination. Ça, c'est rien que la pointe de l'iceberg, David. Fait que quand il y a plus de gens qui vont mourir de la vaccination que du COVID. Puis ceux qui sont vaccinés vont devenir encore plus dangereux pour ceux qui ne le sont pas. Oui, il y a Fait des que. questions que ça augmentait le risque de transmission. Elle expliquait, cette généticienne-là, mais là, il faudrait que vous alliez l'écouter parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, je retiens à peu près rien. J'écoute, j'entends, j'absorbe ce que je peux, mais je ne retiens pas l'information précise. Mais cette dame-là précisait qu'à l'expiration, les gens vaccinés, si mettons que tu aurais la grippe ou le COVID, puis que tu as été vacciné, mais tu peux le pogner pareil, ils vous ont pas dit que vous le pogneriez pas, là. Tu transmets par l'expiration fois 9 fois plus concentré ce que tu aurais que si tu n'es pas vacciné. Comme projection, comme expiration, cracher dans la face du monde. Go. Oh oui, donc des particules en suspension dans les gouttelettes, là, entre autres. Si tu es vacciné, c'est toi. En fait, ils sont en train de dire que c'est nous les dangereux pas vaccinés, mais c'est eux qui vont devenir dangereux pour les autres. Parce qu'ils vont augmenter le Hein? risque de transmission. Ben, Parce qu'ils vont augmenter le risque de transmission. premièrement, ils augmentent le risque de transmission par le fait en parlant, ils sont fois 9 fois plus. Puis ils peuvent envoyer plus 9 fois plus d'affaires dans l'air. Mais en plus, c'est que le fait d'être vacciné fait muter encore plus le virus. Donc là, c'est eux qui n'avaient pas remarqué qu'aux endroits où ils vaccinent, il y a des mutants qui apparaissent, puis des éclosions qui apparaissent. Ben oui, comme la Grande-Bretagne, aussi l'Afrique du Sud, Oui, puis Didier c'est Raoult en avait parlé aussi de ce phénomène-là. des mutations suite à des vaccinations. Le virus mute encore plus vite. Un virus, sa fonction, c'est de survivre. Fait qu'il mute. Comme nous, on a muté. Si on n'a pas l'air on n'avait pas l'air de ce qu'on a de l'air là il y a 2 millions d'années. Exactement. Puis ça mène une sélection, dans le fond, des virus qui sont diffusés parce que on va bloquer, bon, la source du COVID-19 avec le vaccin actuel, mais là, les autres vont prendre la place parce que là, la nature a horreur du vide. Donc, il va y avoir d'autres virus qui vont apparaître sur le marché. Puis là, on tombe dans le cercle vicieux que ça prend plus de vaccins pour contrer les mutations. Puis plus que de vaccins, plus que de mutations. Fait que pendant ce temps-là, l'industrie pharmaceutique va sans doute empocher encore plusieurs milliards. Oui, puis on dit le mot vaccin, mais n'oubliez pas que c'est de la thérapie génique. Ce Oui, n'est bien pas sûr, ou ce qu'on modifie l'ARN messager. l'ARN messager peut modifier ton ADN en Oui. passant. L'ARN messager, je répète, parce qu'il y en a qui sont durs de la feuille, là. L'ARN messager peut modifier votre ADN. Pas moi qui le dis, c'est des généticiens et des généticiennes reconnus dans le monde entier avant le COVID-19, parce qu'aujourd'hui, la toune ne lui plaît pas, fait que là, ils sont plus fins, ils sont plus bons. Ils sont devenus des trous de cul du jour au lendemain. Écoutez les vrais scientifiques, les amis, parce qu'il y a vraiment un danger à la vaccination, contrairement à ce qu'on vous dit. Puis c'est pas celui qu'on vous dit, c'est celui qu'on parle, le vrai danger. Vous allez devenir des transmetteurs de virus encore plus virulents. Exact. Par naïveté, là. Ouais. Par peur d'avoir peut-être mourir de quelque chose à 0,3% de chance. Si tu plates, je rends à 90 ans puis je vais mourir, moi. J'espère, c'est-tu. Il faut crever. Ben oui, mais c'est ça. Le monde ne veut plus mourir. Ah, d'un coup, ils ont peur. On a toujours eu peur de mourir. C'est pas d'hier. Mais. Ouais. Il va falloir qu'on apprenne à convenir à travailler sans tu propre. C'est ça, je dis, c'est impossible d'appliquer. Ils vont l'essayer, c'est ce qu'ils essaient de faire, là. Ouais. Mais pensez-y 2 minutes et demie, tout le monde va vivre avec des masques et des vaccins tous les 3 mois. Pensez vraiment qu'il y a 8 milliards d'individus qui vont se plier à ça, vous autres. 8 milliards! On a de la misère à convenir, à s'entendre entre amis pour avoir le même avis sur. Quatre chums ensemble, là, puis vous pensez que 8 milliards d'individus vont se laisser virer bout pour bout? Oubliez ça, c'est impossible. C'est rien que ça, c'est impossible. Ben non, mais c'est ça. J'écoutais à soir, dans le fond, le bulletin de nouvelles, ce qui parlait de la situation en Inde, que dans les bidonvilles, il y a des gens qui étaient même pas au courant de l'existence du COVID-19. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils s'appliqueront pas les mesures de distanciation ou autres. Non, c'est ça, je dis, la Terre ne tourne pas autour du nombril du Canada. Puis de la France, puis de l'Italie, là. Ça, c'est même pas. On représente même pas un quart de la population mondiale, tous les pays occidentaux ensemble. Exactement. Je voulais t'entendre sur le transhumanisme. C'est-à-dire qu'il y a présentement Klaus Schwab qui est le promoteur de la quatrième révolution industrielle. Puis bon, il fait partie du Forum économique mondial, puis il écrit un livre là-dessus, puis il y en a d'autres aussi. Puis là, on nous parle d'un être humain qui fusionnerait avec la machine. Donc, un être humain qui intégrait des composantes mécaniques. Oui, au lieu de fusionner avec le double ou l'esprit, comme nous amène Bernard de Montréal avec le supramental, ben là, c'est de fusionner avec la machine. Donc, que chaque être humain, dans le fond, aurait une identité biologique puis numérique, puis il serait connecté en réseau. Parce que là, on a des objets qui sont inter... Date de péremption à telle date, hein? Parce que si on va avoir une date de Ben, péremption, probablement qu'il donc peut avoir un système d'obsolescence programmé. Comme les machines, là, les imprimantes, ou... Ouais. veux que je dise mon avis là-dessus? J'ai pas Ouais. d'avis. C'est absurde. Mais on Ah! parle d'un être humain augmenté, là. C'est-à-dire que... Eh oui, tellement augmenté. Ouais, exactement, là. En étant en contact avec la machine, ça permettrait de régler des problèmes. Les gens qui ont des problèmes de vision, d'audition, les gens qui sont en fauteuil roulant, paraplégiques, qui pourraient se déplacer. Il y aurait des prothèses, là, pour les jambes, tu sais, des capacités aussi améliorées et autres. J'ai rien à dire là-dessus, ça m'intéresse pas. Dans le sens, pas que toi, ton propos est plat, c'est pas ça que je Non, veux non, dire. je comprends, c'est bien correct. Pas que tu pas pour. Je veux Mais pas pourtant, présentement, avec les développements, tu sais, l'interface cerveau-machine, ça peut faire en sorte que tu parles à, mettons, soit à Alexa, où il y a différents logiciels comme Google Home. Puis là, tu peux commander des choses. Fait que là, Oui, des... je sais que ça existe. Tu ne dis pas que ça n'existe pas, mais je te dis juste qu'avant, ben, tu sais, tu peux parler de ta machine, tu peux faire passer ta balayeuse par une machine. C'est ça qu'ils veulent, qu'on devienne des machines, puis qu'on exécute comme des machines, puis qu'en bout de ligne, ils se libèrent de l'humain, puis qu'ils gardent juste les machines, hein, en passant. Parce que quand les machines vont faire notre job, ben là, qu'est-ce qu'on sert à quoi, nous autres, les trous de cul, là? Ben c'est ça, Alex Cossette avait fait une vidéo intéressante là-dessus en disant qu'à cause de la quatrième révolution, ben à peu près 80% des emplois sont appelés à disparaître. Peut-être que la Terre va se diviser en deux. Je dis n'importe quoi, mais une. Oui. Peut-être. D'un bord, il y aura les petits robots, puis l'autre bord, il y aura ceux qui sont pas robots. Je sais pas, David, tu sais, sur 30, 40 ans. Puis en passant, si je peux pas vous répondre, c'est parce que ça m'intéresse pas, hein. Moi, l'occulte, je m'en tabarnaque. Je sais pas quand est-ce que vous allez le comprendre, là. Rien à chier. Ni de mon contact, ni de l'astral, ni de monde parallèle. La seule bine que je vais vouloir reconnaître, si j'en croise une, c'est la mienne. Même si je n'ai pas la même face, je vais me reconnaître, hostie. Et pour tout le reste, là, je suis en train de travailler avec des gens conscients, justement, si je te parlais de consultation en psychologie évolutionnaire. Oui. J'en ai deux là, qui sont étampés bien raides, là, parce que l'hostie de culte de tabarnak les obsède. Hostie de culte. Je viens mauvaise. Ben c'est bon ça parce que ton feu augmente, puis il faut pas être fasciné par l'occulte, puis pour y arriver, il faut monter en colère mentale pour pas être soumis. Mais même pas à notre propre double. Non, non, Mais exact. c'est ça que je dis. Moi, la seule personne que je vais vouloir reconnaître dans ma vie, que ce soit qui veulent implanter des machines, faire ci, aucune importance, moi, ce qui se passe sur la planète. Mona, eh bien, ce Christ de l'occulte, je veux rien savoir de. Là, il y en a une qui me dit, mais ça te dit quoi, tel rêve? Mais rien à chier! Là, je me suis fait battre dans mon rêve. Ben, c'est ça. Fais-toi battre, puis quand tu seras écœuré, tu vas te lever, calice. Moi, je me bats, je me suis battue dans mes rêves. Pouf! Je lui donne les volées, Chris Astor. Il y a assez peur de moi dans l'astral, tabarnak, qui me font rêver des affaires super soft. Faut prendre notre Ben place oui. vibratoirement. Puis c'est vrai ce que je dis, là. J'ai rêvé, je rêve pas souvent. Puis l'autre fois, j'ai ri parce que j'ai un rêve qui m'est resté. Je peux même t'en parler, il est resté collé. Je suis dans le rêve, je marche. Je suis toute seule, je prends une marche, puis d'un coup, je vois plein de monde rentrer dans les églises, dans des églises, dans une église. Là, je dis, oh, ce qu'ils vont tous aller, ils s'en vont tous à l'église, puis là, ça me dit, va surtout pas là. Je continue mon chemin. Hey, c'est un rêve rock'n'roll, ça, pour moi. C'est tout ce que j'ai à rêver. Je rêve, c'est le seul rêve que je peux vous conter depuis à peu près 15 ans. Parce que mener, c'est ça, la haine des forces que Bernard nous parlait, là, je commence à en avoir une petite idée de nostie. Premièrement, il nous compte n'importe quoi. Ben oui, on est tout le temps manipulé. Ouais. T'sais, tu me veux savoir ce qui va se passer sur la planète Terre. Je le sais-tu, moi, Chris? Ils me répondront pas. Puis s'ils me répondent, ils vont. Tu sais, je sais pas combien de fois Bernard a dit des choses qui ne se sont pas placées non plus, parce que Exactement. Marc de la Salle, qui est loin d'être un con, t'sais, qui a dit des choses qui ne s'est pas placées non plus. Fait qu'ils nous disent bien ce qu'ils veulent quand ça fait leurs affaires, là. OK. Fait que moi, ça va faire mon affaire, c'est quand je me ferai rire la bine, tabarnak. Sinon, manger de la marde, je veux rien savoir. Je gère pas ça, je vous le dis. Coupez avec ça, si on est tellement bien. Oui, exactement. En fait, je ne voulais pas nécessairement t'amener à faire une lecture occulte pour les prochaines années, là, en lien avec le développement du transhumanisme, mais présentement, en tout cas, il y a un phénomène qui est là. C'est la tendance qui est là. Mais moi, Oui, je veux dire, on il est voit tout. une accélération du développement des nouvelles technologies avec le télétravail, formation à distance. Puis là, on amène les gens à être de plus en plus connectés, entre guillemets, à un réseau informatique et, bien entendu, simultanément, être déconnectés de leur esprit. Oui, mais je pense que l'audio que tu m'as parlé, que Bernard avait parlé de ça, les cerveaux électroniques, là. Oui. Si ma mémoire, peut-être tu m'ajusteras, est bonne, ce que Bernard dit, c'est que l'humain va se rendre compte du danger de la machine. Where are we fucking now? Exactement. Puis ça, c'est un enregistrement qu'il avait fait il y a à peu près 40 ans, là. C'était en 1983. J'ai fait une capsule là-dessus. Puis il était tellement d'avant-garde à l'époque. Tu sais, on n'avait pas des technologies aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Mais il avait tout anticipé les développements de l'intelligence artificielle, etc. Puis là, présentement, ben, on tombe sous le joug de la technologie avec la crise du coronavirus comme un catalyseur pour nous entrer dans l'ère, là, numérique avec l'identité numérique, entre autres. En tout cas, cet audio-là de Bernard, c'est dans la période où il était hyper contrôlé par le plan supramental. Fait que il parle comme une machine, d'ailleurs. Parce que, ouais, mais c'est parce que Bernard, on est là. Mais Bernard, il y a eu ceux qui l'ont suivi, là, longtemps, ils ont vu toute la transformation de l'être aussi. Peut-être sa fusion était assez instantanée, mais les résultats dans la forme ont pris quelques années. Puis Oui. Bernard, au début, il parlait comme une machine. C'est monotone au bout. Mais dans la deuxième partie de sa vie, il n'était plus monocorde. Là, il avait intégré, puis il était plus, hey, ma gang de câlisses, là. Fait Oui. que, mais c'est la. Je voulais donner le nom de cet audio-là. C'est quoi? Tu t'en rappelles-tu pour tes auditeurs, le mettre en lien? C'est une Je ne très m'en rappelle bonne. pas par cœur, mais je vais mettre le lien là en bas de la capsule audio d'aujourd'hui. C'est une. T'arrives pas, je vais t'en retrouver, moi. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois. Mais en tout cas, c'est très révélateur par rapport à ce qui se passe maintenant. Puis ça a été fait il y a 40 ans, là. Donc là-dessus, par rapport au développement de l'intelligence artificielle, là, il était dans le mille, je trouve. Oui, puis ce qui est quand même un message positif si les gens sont stressés par tout ce qui se passe, ce que je trouvais qu'il disait aussi, c'est que on va comprendre à quel point les machines nous mettent dans la merde. Puis que des inventions là qu'on nous envoie de technologie, parce qu'on nous envoie des pensées, il n'y a pas rien que nous autres qui pensent, pas eux autres non plus, pas ça, les inventeurs, là, pas eux autres qui pensent. C'est infusé par des hosties d'extraterrestres de marde, là, qui veulent installer quoi? Tu sais, on parle de l'astral. Il y a l'astral de la planète, mais il y a l'astral des autres câlisses de planètes de cul qui viennent se foutre dans nos histoires. Tu veux me raconter peut-être une coche? Ça me ment tabarnak parler de ça, parce que ces câlisses-là, ils se font tout parce qu'on étouffe et qu'on crève. Mais ça passera pas. Le plan est gagné, c'est fini. T'sais. Ça fait un crisse de bout. Fait que c'est terminé l'apocalypse, on rentre dans l'apothéose d'ici. On est dedans déjà de toute façon, mais on le voit pas. Ben, dans un sens, au niveau éthique, c'est terminé, mais avant que ça s'actualise dans la matière, sur le plan pratique, il va y avoir un délai de téléversement de l'information. Ouais, moi, c'est un cas juste de bout que c'est inversé, là. Ça fait 2000 ans, ça fait peut-être le temps que ça tourne un petit peu plus vite, là. Mais ça, c'est mon ego qui parle. Ça, c'est mon ego qui parle. Ouais. Parce que lui, il aimerait bien que ça aille plus vite. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre si je me fie à ce que je perçois. Ça ne me concerne pas, ils ne me répondront pas. Parce que ça va être pour me rassurer ou pour vous rassurer. Oubliez ça. Ils ne nous répondent pas dans ce temps-là. Puis quand ils nous répondent, des fois, ils nous manipulent en plus. Moi, j'ai donc un char de verre. Oui, exactement. Va vivre ma vie, puis je vais m'organiser pour être bien dans ma vie, puis pour le reste, on verra. Mais moi, comme je dis, j'en souffre pas tant que ça des consignes, parce que j'ai pas besoin de rien. J'ai pas grand-chose comme besoin. J'ai pas 30 ans. Je tombe dans une période de ma vie où c'est quand même pas trop rock'n'roll. Mais si j'étais Oui. jeune, je sais pas comment je réagirais. J'aurais Ben, ça, sûrement. moi, c'est sûr, je suis heureux de pas avoir des enfants à l'époque actuelle, mais je sais que pour des parents, c'est très éprouvant parce que du jour au lendemain, ils peuvent se faire dire, écoute, on pense que ton enfant a le COVID, faut que tu le gardes pendant 2 semaines de temps chez toi, faire passer des tests, puis tu sais, ça désorganise une vie, là. Oui, mais pour les gens qui ont des enfants là, à l'école, puis ils veulent imposer la vaccination, aller aux enfants en septembre, là, les parents, si vous vous levez pas, là, venez pas vous plaindre après, c'est plus notre problème. C'est ça quand je dis, il va falloir que les gens agissent. Moi, j'ai Ben. pas d'enfants, je partirai pas à la commission scolaire me défendre des enfants, ils sont tous rendus grands, puis ils ont fini le. Non, je comprends ce que tu veux dire. Pour ce qui est du port du masque obligatoire pour les jeunes là, du primaire là, à partir de 7 ans, là, 6-7 ans, là, il y a des parents qui ont voulu s'opposer. Fait que là, il y a eu, entre autres, une vidéo de YouTube là, de quelqu'un qui disait, ben là, tu t'envoies une lettre à la commission scolaire. Ou puis finalement, ça, il y a une personne que je connais qui l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis. Ils ont dit, ben là, ça prend un avis d'un médecin. La vaccination, parce qu'on parlait de vaccination. Oui, on parlait de vaccination. C'est parce que là, j'ai pensé à l'enjeu là, du port du masque obligatoire là, pour les enfants. Là, ouais. Non, mais pour la vaccination, l'automne prochain, ils n'ont pas le droit d'imposer ça. Ça, le masque, c'est autre chose, là. Mais le geste de vaccination, t'écris, puis il faut écrire. En passant pour le monde qui savent encore écrire, faut écrire à la direction. Soit tu l'envoies par courriel ou tu l'amènes toi-même une copie de ce que tu veux et tu lui interdis de poser un geste médical sur ton enfant sans ton autorisation. Point. Merci, madame. Bonne journée. That's it. Ils n'ont pas le droit, ils ne pourront pas. Ils ne feront pas, même s'ils essaient, ils ne seront pas capables. Tu leur dis. Si c'est jamais vous vaccinez ou vous faites un geste médical sur mon enfant, je vous poursuis. Les conséquences, vous aurez à les payer. C'est tout. Le parent a priorité sur ses enfants jusqu'à preuve du contraire, malgré que ses cherches à vous l'enlever comme droit de primauté. Mais ça aussi, c'est un combat. Ben oui, ben c'est ça, la DPJ présentement cherche à enlever le droit de primauté aux parents. Puis il y a eu même un article qui est sorti récemment, là, comme de quoi qu'une juge, dans le fond, même si le parent n'était pas consentant, forçait à ce que l'enfant soit dépisté contre le COVID. Puis dans l'article qui est sorti, il était même question qu'un juge pourrait imposer la vaccination à un enfant, même si les parents ne sont pas consentants. À la DPJ. Puis les gens se battent pas contre ça, imaginez. Donc, penses-tu que moi, me battre pour du monde qui se battent pas pour les enfants, mon Quoi qu'il y Chris? ait des gens là, sur les réseaux sociaux qui ont fait des vidéos en lien avec ça, qui ont été outrés, mais c'est tout le temps une minorité. T'sais, on n'a jamais un rebond public là, dans les médias de masse où c'est tout le temps étouffé, puis caché, puis censuré. On est dans un temps très difficile là, présentement là, pour les 2, 3 mois, là, mai, juin, juillet. Là, ça va être assez intense, mais moi je pense qu'après, on verra. Moi, c'est drôle, à la crise, j'ai l'impression qu'on en a au moins pour une couple d'années, là. Tu sais, ça sera pas à l'automne que le dénouement va se faire, là. Moi, je pense qu'on en a au moins jusqu'à Dénouement, 2023. David, c'est plusieurs dénouements. C'est pas un. C'est comme c'est ça que je dis, on attend un événement qui règle tout. Non, non, non, non, ça se passera pas de même. Ça va être étape par étape. Si, mettons, il se passait ce qu'on pense aux États-Unis, pensez pas que Trump va venir vous sortir de la merde du site, là. Oubliez ça. C'est ça que je dis, arrêtez de Oui. chercher des solutions à l'extérieur. Ce que Trump passe aux États-Unis peut aider les autres pays parce que c'est la même chose qui se passe ici. Mais le peuple américain qui s'est levé, c'est pas Trump tout seul, là. Le peuple américain qui se lève. T'avais beau traiter les Américains de toi et non tabarnak, ils ont pas mal plus de couilles que nous autres jusqu'à présent. En passant. Puis c'est à moi Ben, que je parle, je les traitais de taouins il y a pas si longtemps, quelques années. moi Je j'ai vous les toujours eu un respect pour les Américains dans le sens que c'est un peuple qui s'est tenu debout au niveau historique contre la monarchie. Nous autres, on est encore soumis à la reine avec la démocratie constitutionnelle au Canada, là, avec les lieutenants-gouverneurs qui nous coûtent une fortune puis qui servent à rien au niveau symbolique, là. Il est où, lui, Chris, présentement, là? Le lieutenant-gouverneur, il se cache dans sa maison, c'est-tu. Il n'avait pas fait une petite sortie, lui, un moment donné, là, genre, oh, je pense que les parties comme c'est là, les décrets, ça ressemble pas mal à quelque chose qui menace la liberté, Oui, il hein? avait sorti lors du printemps 2020, puis après ça, on ne l'a plus jamais entendu. Probablement, il était raboué. Pour moi, la reine l'a rappelé. Il a dit, hey, toi, Chris, ça va, il y a maison. Hein? Ouais. Père est noyauté, pas à peu près. Fait que, en tout cas, on se comprend. C'est ça. C'est pour ça que les États-Unis, toi, t'avais plus de respect. Moi, je comprenais. C'était plus par rapport à leurs croyances religieuses que je trouvais ça. Mais. Je jugeais encore beaucoup. OK. Et on mature, tout le monde change et puis on évolue. Mais là, je juge plus autant qu'avant. Puis je suis plus mieux placée pour avoir une meilleure vision un petit peu de ce qui se passe. Mais je trouvais. J'avais eu des expériences aux États-Unis dans le temps que je sortais avec des Noirs, pas le fun, puis c'est pour ça que je n'avais pas aimé tellement certaines sections des États-Unis. Parce qu'on a beau dire qu'il n'y a pas de racisme, on se calme. Il y en a encore. Il y en a partout dans le monde du racisme en passant. Je suis allée vivre au Sénégal, puis je peux te dire, je me suis fait regarder que je chantais que j'étais crissement pas foncé, moi, là. Puis j'ai eu droit à des commentaires, pas Jojo du tout. Alors, pas de la xénophobie puis du racisme. Moi, je dirais plutôt xénophobie que racisme, parce que pour moi, le racisme, c'est un peu plus défini comme mot, comme étant une supériorité d'une race sur une autre. La xénophobie, c'est plus une forme d'expression de racisme due à la différence, la peur de la C'est différence. la peur de l'autre, ouais. Ou la peur de la différence de l'autre. C'est comme ici au Québec, il y a beaucoup d'immigration musulmane, mais là, il y a beaucoup de gens à Montréal qui réagissent par le fait de voir des femmes voilées ou la différence. Des fois, on me demande, Mona, qu'est-ce que tu penses des femmes voilées? Mais j'ai sûr que ça me calisse. En quoi ça me concerne? Si c'est pas dans l'État, dans le sens, c'est pas l'État musulman qui mène, que tu pratiques la religion que tu veux, c'est majeur et consentant. C'est pas mon problème. J'ai pas. Les gens, ils sont choqués de voir une femme voilée. Moi, ça me choque pas, ça me dérange pas. Oui, mais encore là, est-ce que la personne a donné véritablement un consentement libre et éclairé à porter, par Comment exemple, ben. une burqa ou ces choses-là, ou c'est sous la pression puis la menace du conjoint ou de la famille? Ben oui, mais c'est comme dans le temps que les femmes faisaient 14 enfants au Québec, là, Chris un en arrière de l'autre, puis on se colissait bien des conséquences. C'est qui est sorti de là? C'est les femmes qui ont arrêté ça, c'est pas le voisin. Oh, les pauvres madames qui accouchent. Ben oui, ils accouchaient. Ma grand-mère en a eu 14. Ça fait pas 3000 ans, là. Simonac, j'ai pas 74 ans, j'en ai 60 bientôt, puis ma grand-mère a eu 14 enfants. Allô? C'est pas primitif, ça, tu penses? Au moins, les Africains, ils prennent 5 femmes pour en faire 20, c'est-tu? Primitif que nous autres, t'as qu'à ça? Ils font pas 14 Oui. femmes avec une femme, ils en font 14 avec 4, eux autres. Non, mais ça dépend comment tu le regardes, tu comprends? Oui, non, je suis bien d'accord avec toi. Surtout qu'il y en a qui mouraient en train d'accoucher. Puis là, ils se ramassaient orphelins, là, ces enfants-là. Puis il y avait juste un père, tu sais. C'était absurde comme situation. Bonhomme avec 11 enfants, ça devait être déjà jour. Ouais. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça, c'est les croyances religieuses que les gens vivent là-dedans. J'ai pas à juger de ce qu'ils vivent. C'est ça que j'essaie de dire. J'ai pas à juger que la religion. Moi, j'ai décidé que la religion sert à rien. Qui tu te prends, toi, tabarnak? Si elle est là, c'est parce qu'elle sert encore à quelque chose, c'est tout, tu sais. Fait que l'important, c'est que moi, je veux pas qu'on m'impose la religion que ces gens-là pratiquent dans ma vie à moi. C'est rien que ça. Mais je peux très bien vivre à côté d'eux autres, puis sans problème. Oui. C'est pas. Les femmes musulmanes de l'Afrique de l'Ouest se font encore exciser. J'ai été témoin de ça en passant. Je suis pas tombée sans connaissance. Je le voudrais pas pour moi. Mais qu'est-ce que Ben, tu ouais. es, moi, pour juger que c'est épais ce qu'il fait? Pas mon problème. Rendu là. C'est plus mon problème. C'est à vous. Tu sais, les gens. Il faudrait que je sois offusquée. Mais je ne suis pas offusquée. C'est pas moi qui vis ça. C'est eux autres. À vous autres de vous en sortir. Les femmes ici au Québec, on a sorti d'un moule parce qu'on s'y prend en main. C'est pas les hommes qui ont libéré les femmes au Québec, tabarnak. Les femmes tiraient le soutien-gorge dans les années 60, Chris. Fuck off. La religion, fuck le curé. Bye bye. C'est pas les hommes qui ont fait ça, c'est les femmes. Fait que qui s'est libéré du joug? C'est celui qui le subissait. On esclavage quelqu'un dans la mesure où il est esclavable, Oui, mais esclavageable. encore peut-il s'en sortir. T'sais, c'est une jeune fille qui a 3-4 ans qui se fait exciser, elle n'aura pas la force de s'en sortir. Elle s'en sortira dans la prochaine vie. Je suis désolée, j'ai plus aucune moralité collective à ce niveau-là. Moi, je m'en crisse. Mais c'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'il y en a qui sont très faibles, sont pognés dans des embrigadements familiaux très lourds, avec des mémoires culturelles très rigides. Fait que là, tu dis à personne, c'est de ta responsabilité à toi-même de t'en sortir, mais tu sais, Mais non, mais ils ont c'est. choisi le plan de vie. Ouais. Chris, c'est pas mon problème. T'as rien qu'à choisir un autre plan de vie, Simonac. C'est pas à moi de me mêler de l'évolution des gens. Tu comprends? Oui. Bon, ben, c'est ce que je veux dire aux gens. Arrêtez de juger les autres dans ce qu'ils vivent. Tu sais, t'entends ça. Ben, là, on donne des exemples assez gros. Ben, j'entends des jugements fréquents sur la vie des gens. L'autre fois, mon voisin, lui, parce qu'il voulait bouger à 9 h le matin, il a décidé qu'il fallait que je me lève en même temps que lui parce que j'ai dit qu'il faisait du bruit, ça le dérangeait. Ben, il dit, tant qu'à te lever, il est 9 h. Ah, oh, c'est-tu d'épais, tu sais. Toi, t'as décidé que toi, il faut que tu bouges parce qu'il est 9 h. Fait que moi, il faut que je bouge, hein? C'est ça, j'ai répondu. J'ai dit, ben oui, c'est pas parce que toi, t'as le faux au cul à 9 h moins quart le matin qu'il faut que je l'aie. Je travaille de Exactement. nuit, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, mets toutes tes calices d'affaires, puis essaie de convenir avec, tu sais, le social autour de toi. C'est tout. C'est ça, mais si le gouvernement convient pas avec nous autres, puis nous impose des couvre-feux, le port du masque, puis ci, puis ça, puis des mesures très rigides, à un moment donné, composer avec la société, ça devient pas évident. Non, mais si les gens ne peuvent pas sacrer le gouvernement dehors, moi, je vais me sacrer dehors du gouvernement. Bye-bye, je vais faire Gus Langteau de mon tu sais. Je vais devenir une Gus 2. Ouais, la personnalisation, tu vas embarquer là-dedans. Ceux qui ne connaissent pas, là, c'est une médecin qui est devenue Gus. Gus, elle se déclare souveraine. Oui, c'est ça, elle s'appelait Guylaine, puis là, enlever la laine comme le mouton. elle est adorable. Oui, Mais... elle a un côté rebelle un peu comme toi. Oh, maison. Ouais, mais Mais... elle, ça a été quelque chose, tu sais, elle était membre de l'Ordre des médecins, là, tu sais, elle avait des gros salaires comme médecin, là, puis renoncer à tout ça, c'est quelque chose. On rit, Comment? hein? Je recule d'un coup. J'ai trop de rire, là, je blague. Il faut apprendre vraiment à se détacher de ce qui nous... Con... Qui nous con... qui, premièrement, ce qui ne nous concerne pas. Moi, la croyance religieuse des gens ou spirituelle des gens, tu sais, j'en ai un en psychologie évolutionnaire, un jeune qui est tombé dans le... Il n'y a pas le choix là, pour s'arrêter de boire. C'est très spirituel comme mouvement, puis il est tout pogné avec ça, là. Mais lui, il est prêt à se défaire de ça. Là, il juge. Tu devrais entendre ça, ces jugements qu'il porte sur lui. Là. Ah ben là, si j'étais encore dans la crise de spiritualité de marde, non. Que j'y réponds? Oui, il est dans la spiritualité, mais pas de marde. Mais dans les alcooliques Dis-moi. anonymes, là, les 12 étapes, il faut qu'ils Il n'y remettent. a pas de 7 ans, ça fait 7 ans qu'il est abstinent, mais il n'y a rien que 30 ans. OK. Bon, c'est un jeune très. Je trouve que les jeunes là, des 20-30 ans présentement, ils sont très connectés, mais c'est-tu qu'ils souffrent. Que c'est pas beau à voir. Drogue, alcool, des vues de fous, ainsi. Puis ils sont. C'est vers moi qui est venu, puis on commence à travailler là-dessus. Mais ce que je remarque, c'est son jugement sur lui, continuellement. Mais j'arrête, arrête, si, t'as fait. Tu sais, tout sert à tout. La spiritualité, la religion sert encore à beaucoup de gens, puis il faut respecter ça. Mais moi, ce que voudrais que les gens comprennent, c'est que je peux respecter votre religion, mais la société ne peut pas être dirigée par une religion quand on a une société aussi hétéroclite que les nôtres maintenant. Donc, on ne peut pas avoir autre chose qu'une civilisation basée sur des règles de loi, des lois publiques, puis qu'on respecte. Pas des juges achetés qui nous pourrissent la vie comme présentement, alors. Ben là, on est dans la religion sanitaire avec Saint Arruda puis toute la gang là, qui nous amène la bonne parole là, avec le point de presse à 13 heures là, chaque jour là. Ben pas chaque jour, je caricature, mais régulièrement là. Ouais, j'écoute plus. Moi, les amis, je vous m'excuserai, mais j'écoute absolument plus rien depuis au moins. Ça, j'ai coupé après 3 mois de COVID. Je suis capable. Après 3 mois, j'ai fait non, ça suffit. Fait que j'ai coupé avec ça. Puis des fois, je savais même pas que le couvre-feu changeait d'heure ici. De toute façon, je suis devenu schizophrène, mais raide avec ça. 8 h, 9 h 30, zone rouge, zone jaune, zone orange, zone verte. T'es dans quelle zone? Ah, tu devrais entendre les gens. C'est hilarant, en fait. Oui, ça change rapidement. Puis, ce qui me fait rire, c'est que même dans la zone verte, en passant, là, les mesures, dans le fond, restent comme le 2 mètres, là. Il y a la distanciation sociale. Même si on serait en zone verte, ça resterait pareil. C'est inscrit sur le site Internet. J'avais entendu Citoyen Lucide qui avait dit ça. J'ai dit, il doit exagérer. J'ai fait mes vérifications, puis j'ai tombé là-dessus. Tabarouette. Ils n'exagèrent pas, comme ils disent qu'ils ne savent pas l'impact du vaccin. Oui, puis ils donnent ça massivement aux Garde gens. un consigne sanitaire suite à la vaccination, c'est qu'on ne sait pas si vous n'êtes pas quand même possible de contaminer. Fait que là, il faut Bah! que vous continuez les mesures pareilles. Fait que ça sert à quoi le vaccin? Allons-y, on va aller se faire vacciner, on ne sait jamais d'un coup que ça marche. Hey! Ouais. Excusez-moi, c'est trop. Il faut être plus que crédule, rendu là, il faut être idiot. Franchement, là, les gens qui vont se faire piquer sans savoir ce que ça va faire, puis on y va, mais on sait jamais être d'un coup que ça marche, là. Vous êtes des idiots finis. Excusez-moi, là. On va prendre une coupe de vie, de réincarnation, je pense, parce que ça n'a aucun sens. C'est même ils parlent de juste l'immunité collective. C'est une farce phénoménale. Ils veulent que 75% de la population soit vaccinée pour Oui. dire qu'on a atteint une immunité collective. Oui. Ben, l'immunité collective est atteinte depuis 6 mois pour n'avoir pas eu besoin de vaccin. Ben là, Il y a c'est pas 75% des gens qui l'ont eu la COVID. Non, mais il n'y a plus de morts quasiment, là. Ils cherchent les morts, ils en inventent, là. Il y en a eu 7 la semaine passée, on se peut plus, là. Je parle pas de cas, là, je vous parle de morts. Il n'y en a presque plus depuis des mois. Ils ont même été capables de démontrer qu'ils allaient chercher des morts il y a plusieurs mois, il y a 9, 10 mois, les ajouter au mois d'avril-mai parce qu'il en manquait, tu sais. C'est n'importe quoi. Mais l'immunité collective, ça s'atteint. Premièrement, avec un vaccin, tu ne sais pas si il te protège ou pas, puis il te parle d'immunité collective. Comment tu peux me parler d'immunité collective si tu dis aux gens qu'une fois vaccinés, ils ne sont peut-être pas nécessairement protégés vraiment, fait qu'on va continuer les consignes? Excusez-moi, là, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas Mais compris, le moi, but là? du vaccin, c'est qu'il y ait les symptômes moins forts pour pas qu'il soit hospitalisé ou qu'il en meure. C'est ce qu'on nous dit là. Oui, mais c'est aussi dans le but de l'immunité collective. Oui. Mais comment tu peux parler d'immunité collective quand tu sais même pas l'effet du vaccin, ça commune sur l'immunité, juste toi, Chris. Ils sont pas capables de te dire si vraiment tu es protégé, mais ils parlent de 75% d'immunité à Ben, 75 ils disent que tu peux pour être l'attraper immunisé. pareil avec le traitement génétique, génique là, à base d'ARN. Là, ils disent que tu peux l'attraper pareil. Fait qu'il faut que tu continues les mesures sanitaires. Fait que l'immunité collective n'est pas atteinte grâce au vaccin. C'est ça. Fait qu'en réalité, ils peuvent pas l'atteindre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est diminuer supposément la propagation. Mais la personne vaccinée peut propager aussi. Ça me faisait penser un petit peu à l'infirmière qui a été interviewée là, au studio Théovox. Elle disait, c'est curieux, on demande aux infirmières de se faire tester 3 fois par semaine s'ils ne sont pas vaccinés, mais le vaccin n'empêche pas la transmission. Ce qui veut dire que normalement, les gens qui ont été vaccinés devraient être testés aussi 3 fois par semaine, au cas où qu'ils l'aient aussi, Et puis voilà. qu'ils le transmettent aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de logique derrière ça. Aucune. Rien que des menteries. Mais c'est de la manipulation pour soumettre les gens à l'idée du vaccin, pour ensuite mettre en place le passeport vaccinal, ensuite réseauter tout ça avec différents pays pour qu'on ait une dictature technocratique là, à la Big Brother un peu partout avec une mesure de contrôle supplémentaire, là. Ouais. Ah ouais. Il va falloir se rendre vraiment sur le bord du précipice pour s'en sortir. Puis ça a l'air qu'on n'est pas rendu encore sur le bord du précipice, puis encore du monde qui donne pas mal sa Switch. On n'a pas encore atteint le fond du baril, c'est Non. sûr. Non. Mais on peut-tu parler d'un autre sujet, David? Oui, bien sûr, Bordeaux. Je pensais aborder autre chose, mais ça a l'air qu'on est là-dessus. Ben, Excusez-moi. c'est un sujet qui est très préoccupant, là. Tu sais, c'est de l'actualité COVIDienne. Dans le sens que tous les jours, c'est ce qui habite pas mal les conversations, là, des gens, là, ouais. Ben moi, j'en parle plus. Je voulais plus en parler. J'avais mis dans mon agenda que je voulais plus parler de COVID puis de vaccin, mais c'est assez difficile, j'avoue, parce que Ben, ce que je... Ouais, c'est pas mal ça, mais tu sais, je te vois quand même écouter des vidéos en lien avec ça, comme de Colin Show. Des fois, je vois tes commentaires, tu sais. j'aime bien. Moi, j'écoute The Colin Show, j'écoute Cossette, puis j'écoute Les Décodeurs aussi en France, OK. qui amène un volet spirituel qui me gosse un peu par moment, mais que je trouve je trouve que j'écoute. Avec Les Décodeurs, c'est plus le décodage de Q qui font très bien. Ils ont une. En tout cas, à travers les mois, là, je trouve qu'ils ont une belle l'analyse est plus précise pour décoder Q. Cossette fait ça aussi, mais je trouve qu'il est encore surtout meilleur, lui, dans la politique internationale américaine, lire comment Trump se comporte. Fait que moi, j'écoute Cossette pour Trump, pour voir ce qui se passe aux États-Unis. J'écoute les décodeurs pour voir en Europe, mais aussi comment ils décodent Q, parce que je trouve qu'ils ont une bonne information. Puis The Colin Show, c'est pour le Montréal, Québec. Oui, c'est plus local, c'est plus typique au Québec, là. Ouais. Juste applicable à ce qu'on vit, mais on réalise en écoutant lui que ça se passe ailleurs la même chose, fait que c'est toute la même stratégie. Donc ça peut être. En tout cas, moi je trouve que ça touche beaucoup de volets, j'aime ça. J'aime m'informer, mais je me fais ma propre idée pareil, c'est ça que je veux dire. Même chose pour moi, là, tu sais, je prends pas ça pour du cash, là, c'est sûr. Mais... Non, mais on n'a pas fini le combat, si c'est ça ton point, mon cher David, on est loin d'avoir fini le combat. Puis on se On a dirige vers un zéro conflit. Puis, en zéro conflit, un combat. On joue avec les Ben, ce paradoxes, là. que je voulais peut-être mentionner, c'est de le regarder plus au niveau de notre vécu quotidien, dans vos couples, dans nos couples, avec nos amis. Tu sais, présentement, là, il y a des sujets qu'on aborde, puis ça fout à marde pas long, hein? Genre, moindrement que ton partenaire amoureux ne partage pas ton point de vue sur ce qui se passe, là, déjà, c'est une source de conflit. Donc, comment. Exactement, puis il y a une polarisation présentement qui se fait là, au Québec, puis un peu partout dans le monde, là, entre les pro-mesures, les anti-mesures, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-masques, anti-vaccins. Puis on dirait que le gouvernement veut ça, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas de dialogue avec les gens qui sont pour ou contre. Il n'y a jamais eu de débat public à Radio-Canada ou autre, fait que ça crée la polarisation. Puis après ça, bien, ça permet au gouvernement de justifier des mesures de répression sociale pour fermer la boîte à ceux qui s'y opposent, tu sais. Puis déjà, les gens qui trouvent normal qu'il n'y ait pas de débat, allumez vos lumières, ça presse, c'est pas normal. Au contraire, il devrait y avoir des débats sur la question parce que c'est un problème qui est nouveau. Puis de débattre, c'est important. Parce que quand c'est nouveau, ça prend des espèces de brainstorming, différentes opinions pour pouvoir avoir une meilleure idée générale de tout ce qui est possible comme version, puis se faire Exact. une idée qui est plus aligné avec de l'incertitude. On ne sait pas dans quoi on est vraiment, là. Donc, c'est important d'avoir des opinions. Pas des opinions, c'est des expertises différentes. Ça va plus loin que l'opinion, là. C'est, tu sais, la télévision, c'est de l'opinion qu'ils nous donnent. Mais quand on parle de débat avec des experts, moi, combien de lanceurs d'alerte qui demandent au gouvernement du Québec des invités sur un plateau pour faire un débat? C'est drôle. Ils sont prêts à te bâcher dans le Journal de Montréal, c'était anonymement, là. Mais quand vient le temps d'avoir un débat avec un lanceur d'alerte, puis de se faire passer à la TV pour avoir. Puis amenez-moi là vos questions. Hostie, c'est drôle comme ils les invitent pas. Non, exactement. Très bien qu'ils ont. Ben oui, mais. Moi, franchement, David, je pense qu'au Québec, là, si on veut s'en sortir, il va falloir passer par la Fondation des droits et libertés. Ça, c'est l'autre volet que je voulais parler. Moi, je les finance. Je vous donne ce que je peux, 2 piastres, 3 piastres, on s'en crisse, c'est pas important. Mais ça va devoir passer par là, puis ça coûte des millions pour suivre le gouvernement en passant. Des millions. Rien qu'une expertise de Madame l'expérigénicienne, la française, c'est 90 000 $. Un expert. Il y en a 9. Yes. Non, mais c'est parce que pour les détracteurs, là, ceux qui disent que la fondation, il faut rien que des niaiseries, puis ci, puis ça, puis t'en vois plein, des niaiseries, là. Tiens, prends ton cash, je me suis fait dire ça il y a quelques mois, d'ailleurs. Ben, en tout cas, j'aime mieux que ce soit eux autres qui prennent mon cash que le gouvernement présentement. Anyway, puis je trouve qu'ils font des choses. Ils ont quand même été chercher 9 experts internationaux. Il n'y a pas un Christ de Québécois qui s'est présenté à la face. Hein, vive le peuple éveillé de la planète. Non, c'est ça, c'est essentiellement des Européens que j'ai vus, puis c'est sûr que les gens sont muselés ici par le Collège des médecins, là. Si quelqu'un dit moindrement quelque chose qui ne va pas dans le sens du narratif officiel, il va avoir des blêmes au Collège des médecins, un peu Ben comme... justement, il dévoile ça, tabarnak. Il arrête de te faire chier avec ça. Ah oui, t'as une menace de l'ordre. Ah oui, sors-moi ta menace, mets-moi ça dans la face. Ah oui, ça, c'est les réseaux. Ah oui, c'est la TV. Ben, il y a le Tu me fais docteur Lacroix ici au Québec, de la ville de Québec justement, là, qui avait eu des propos sur les ondes de la radio de choix là, de Québec qui n'allaient pas dans le sens du narratif. Puis je pense qu'il y a eu 9 ou 11 blancs au Collège des médecins à cause de ça. Ouais. Ben, c'est ça, mais lui, il aurait dû se défendre à d'autres niveaux que. Moi, j'aurais sorti de l'ordre, je serais allé en cours. C'est ça, je dis. Mais si vous Mais c'est voulez parce que écouter. les gens sont pas nécessairement prêts à perdre leur business ou leur activité professionnelle. C'est ça l'affaire. Ben, c'est ça. Quand les gens ne seront plus capables de plus perdre, là, ils iront au bout des mouvements, mais entre-temps, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de convenir avec du monde qui ont la crotte au cul. Peu importe ta crise de job, je suis désolée, ça ne me passe pas dans le corps, moi, ça. Regarde Stéphane Blais qui vient de démissionner de comptable agréé, là, il vient de laisser sa Oui, son licence. ordre professionnel, oui. Ça, c'est des couilles en tabarnak. Il y a 4 enfants passant, gang de petits coins, là, en arrière. Ouais. Moi, là, les excuses, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des raisons pertinentes. C'est pas ça que je remets en question. Chacun juge de ce qu'il a à juger. Mais quand même pas penser que si tu as peur, il y a pas de. T'sais, s'il n'y a pas de conscience sans colère, il n'y a pas de changement sans colère non plus et sans perte. Alors, à un moment donné, c'est un choix à faire. C'est ça que je dis. En passant, j'ai travaillé à Hydro-Québec à 90 000 par année dans les années 90. Je n'ai pas attendu qu'ils me donnent mon 4 % en passant. C'est moi qui l'ai fait. Suis partie à mon compte quand j'étais prête. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est bien, oui. On peut être sur une job payante, là, puis avoir bien de l'argent. Mais là où nous sommes, là, on est rendu dans une troisième guerre mondiale, puis vous irez expliquer ça à vos enfants dans quelques années que j'ai pas osé, j'ai vacciné, parce que tout le monde y allait. J'avais tellement peur. Ouais, tu iras dire ça à tes enfants dans quelques années, Qui ouais. auront été vaccinés eux aussi. L'enjeu présentement, là, est pas mal plus grand qu'il y a 25 ans quand tu changeais de job. Esti. Quand même comprendre qu'il se passe quelque chose d'important là. C'est la troisième guerre mondiale. Sans bombe, mais c'est une guerre mondiale. Puis là, on est là. Je vais perdre ma job. Tu vas perdre pareil ta crise de job. Esti. C'est qu'une question de temps. Tu choisis de la perdre maintenant en te protégeant, en t'en trouvant une autre ou en te créant ta propre job. Mais tu vas perdre pareil ta job s'il ne se passe rien. Parce que le but, c'est tout de crisser dehors. Dans 10 ans, ça va être quoi le marché du travail, vous pensez? C'est déjà transformé là, en moins d'un an. Les fonctionnaires là, qui pensent qu'ils font quelque chose dans la vie présentement, ils vont tous perdre leur job bientôt, là. Ils font de pension, puis tout. Jojo, ça? Ouais, allons-y. Mais avant qu'eux autres perdent leur job, c'est probablement les petites et moyennes entreprises qui vont fermer. C'est déjà là. C'est fini, ça. Oublie ça, c'est réglé. Les entrepreneurs comme moi, des petits, là, on est tous morts. C'est déjà fait, là. Ils vous mentent, ces chiffres. Les faillites sont commencées. Parlez à vos comptables, Christine, vous allez voir. Fait que c'est pas vrai que ça va venir, ça. Ça, c'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est la classe moyenne, puis c'est vous autres. Fait que grouillez-vous le cul, parce que là, votre job, vous l'aurez pas plus longtemps. C'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est tout le temps parce qu'on a peur de perdre qu'on fait rien. Je ne sais pas comment vous avez été éduqué, mais moi, dans ma vie, là, mais j'ai toujours pensé, depuis. Je travaille depuis l'âge de 19 ans, puis j'ai 60 ans bientôt. Fait que ça fait 40 ans, là, 50 ans. Ça fait combien? 40 plus 19, 59, OK. J'ai toujours su que pour avoir l'autonomie, il fallait que j'aie des économies. Si vous avez perdu ce petit bout-là, là, ben Chris, vous avez un problème. Ça demande pas une grosse tête à Papineau de comprendre ça. Fait que si t'es pas capable de te donner à toi comme individu un an pour te virer de bord économiquement, là, ben je vois même pas pourquoi j'en parlerai. C'est stupide. Non, c'est ça. Mais en même temps, quand tu regardes ça, tu avais des entrepreneurs prospères qui avaient des économies. Puis là, ils sont en train de tout dilapider ça à cause de la crise au fil Oui. des mois. Fait qu'en réalité, la personne peut être très prévoyante, bien gérer son entreprise depuis longtemps. Mais le contexte fait en sorte que, vu qu'il n'y a pas de clients qui se présentent à cause de la menace du COVID, ben tranquillement, ben, l'entreprise accumule les dettes, puis accumule, puis accumule, puis le gouvernement fait des prêts. Je ne suis pas dans les culottes de chaque entrepreneur. Il y a une limite de ce qu'on peut contenir ou pas contenir. Mais ce que je veux dire, David, c'est que c'est une question de temps que toute l'économie s'effondre si on ne bouge pas. Non, il va rester les GAFAM, Google, Apple, Facebook. Eux autres, inquiète-toi pas, là, que présentement, ils sont en expansion. Amazon, les ventes en ligne explosent, On puis tout. parle, mais ce n'est pas ça qui fait vivre le peuple au Québec, Non. ni au Canada, ni dans le monde. Ça, c'est le 1% qui siphonne vos argent pour vers le haut de la pyramide. Ils ont fait 160 quelques milliards de dollars les 3 premiers mois de la COVID, pendant que nous, on en perdait 150 milliards de dollars. Fait que vous pensez qu'ils sont allés chercher cet argent-là dans vos poches. Mais la prochaine étape, pensez pas que ça s'arrête là. C'est parce que le monde dit, oh, on est correct, on va être correct, nous, on va s'en sortir. Faites-moi rire. Faites-moi rire. Allez lire le plan. Ça fait un an qu'on vous dit qu'il y a un plan, là. Il y en a un câlisse de plans. Puis si vous laissez faire ça, c'est votre problème. C'est vous autres qui aurez choisi ça à ce moment-là. Mais moi, j'ai choisi autre chose et je sais que je vais vivre autre chose. Puis je ne sais pas comment, mais je sais que je vais vivre autre chose. Peut-être David aussi, d'autres personnes, mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Il n'est pas question que j'embarque à me faire vacciner, faire ci, faire ça, oublier ça. Non. Puis je pense que ça va tenir un an, gros max, un an et demi comme propos. Encore. Tu disais, toi, un an et demi, 2 ans. Mais Nord disait 2023, tout pète. On n'est pas loin de 2023, là. Ben, Richard Glenn aussi, là, il parle de rendez-vous fin février 2023. Donc, Ben, ça, je pense que c'est 2022. Le temps, oublie pas qu'on a fait des prévisions, qu'on est toujours un petit peu. Le temps et les prévisions, c'est pas simple, c'est ça que je dis, mais je trouve que tout va plus vite. Ben, il y a une accélération, en tout cas, je sens tu sais, je regarde un peu les médias de masse, puis je sens qu'il y a une pression pour la vaccination, il faut que ça aille plus vite, puis il faut qu'il y ait ci, puis il y ait ça. Ouais. Ouais. Pour ça, je dis qu'il y a un empressement, donc ça va un petit peu plus vite, mais je pense que. Puis là, tout va sauter. Qu'est-ce qui saute? Qu'est-ce qui saute? On est là, tout va sauter. C'est quoi que tu imagines quand on te dit ça? Que la planète est en chaos ou la planète vire de bord puis que la paix s'installe ou. C'est quoi? Fait Non, que c'est ça. ça, c'est pas clair. On ne sera pas informé d'avance, c'est ça que je veux dire. Ils ne nous diront pas d'avance. Ben là, à février 2022, c'est pas au rendez-vous. Voyons donc. On va savoir individuellement quand ça va être le temps d'agir, bouger ou faire des choses. Exactement, mais pour l'instant, un petit peu comme la grenouille qui est en train de se faire cuire sur le feu avec la température qui augmente progressivement. Là, tu sais, la fameuse histoire de la grenouille que tu la mets dans l'eau est chaude. Elle avait un petit peu un inconfort, mais elle reste là. La chaleur augmente, un petit peu d'inconfort reste là. Puis finalement, elle meurt cuite dans l'eau et bouillantée. Mais je pense que c'est un petit peu le sort qui va être réservé à plusieurs personnes de la population par rapport aux mesures. Température augmente progressivement, les gens réagissent pas, puis. Ben, il y a des gens qui vont mourir, c'est clair. Hein? C'est clair qu'il y a beaucoup de gens. Ça, s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a bien du monde qui meurt. Est-ce que c'est fait parce que c'est la vaccination? On pourrait aller loin. On l'a déjà parlé, j'ai déjà dit, puis je pense que c'est connu. Il y a effectivement trop de monde sur la planète présentement pour qu'on puisse faire un virage. Donc, dans quelle mesure? Tout ce qui nous arrive, c'est pas justement un ménage qui se fait en plus de bien d'autres C'est ça, il possibilités. peut y avoir un ménage au niveau karmique. Au niveau de la cinquième race racine, là, il y a une petite gang de roches qui nous tirent en arrière, là. Donc, C'est ça se peut ça. qu'il y ait un Puis voyage. ironiquement, l'élite planétaire qui veut réduire la population mondiale avec la mise en place du Great Reset, la grande réinitialisation, va dans le sens d'un agenda, mais au niveau des forces de la lumière, qu'eux autres mêmes veulent réduire la population, de ce que je comprends là. Oh, oui. Fait Au niveau. qu'autrement dit, que ce soit les forces astrales ou les forces de la lumière, il y a comme un consensus que la population doit être réduite sur la Terre, là. Oui. Mais ça, oui. Oui. Mais je dis pas à 500 millions, je suppose. Ben ça, c'est les pierres de Guidestone, là, en Géorgie, là, les pierres de guidance traduites en plusieurs langues, là, ouais. Je sais pas, mais je sais que pour pouvoir. Je pense que le COVID, un peu, sert à beaucoup de ces choses-là, dont il y a des gens qui en meurent, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, la vaccination va entraîner d'autres affaires. Mais tout ça fait partie d'un ensemble un, ça sert à l'éveil, que les gens se rendent compte de ce qui se passe un peu, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de dormir sur la switch, mais ça va éliminer aussi du monde qui seront pas capables de transiter dans d'autres choses, ou qui nous tirent en arrière par des croyances, qui sont... Retardataire. Ouais, c'est ça, là. C'est Erroné. trop tard, passé le train passé. Bon. Ils vont trépasser. Ouais. Puis, surtout pas. Faudrait qu'on s'arrête là, mon cher David, parce que j'ai un souper qui m'attend de la fête des mères. Et je ne le savais pas avant de partir l'entrevue avec toi. C'est bien parfait, Mona. Donc, écoute, on va compléter en rappelant aux gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés à avoir une consultation de ta part en psychologie évolutionnaire ou même également participer à une de tes activités en personne de yoga à ton studio donc à Montréal, au Canada ou un peu partout dans le monde en ligne. C'est possible de le faire. Donc, si tu veux rappeler les coordonnées de ton site web. Ben juste me contacter à travers mon site web à www.yogacentre en un mot, tiret, citez pas d'accent, CITE.com. Puis à l'intérieur de ça, vous avez un courriel, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous souhaite une belle vie, les amis. Puis dans ma tête, ce qui me vient à l'esprit right now, Oui. c'est que pour les 2 prochains mois, amusez-vous donc. Excellente suggestion. La période est tellement morose puis tendue qu'à un moment donné, il faut se détendre. Hein? Oui, puis on peut pas faire grand-chose pour l'instant individuellement, là. On n'est pas dans un temps où on peut bouger. On est dans un temps où ça plutôt se régénérer pour ceux qui sont conscients. Donc, pour les gens qui sont éveillés puis qui savent déjà tout ce qui se passe, nous, notre job, c'est de se reposer présentement. Bien, De c'est de rester cohérent. La façon que je vois ça, c'est rester cohérent et capable de continuer, par exemple, s'entraîner à faire de l'activité physique, même si les gyms ne sont pas ouverts. Parce que, dans le fond, si on attend après le gouvernement pour la réouverture, peut-être qu'ils vont nous demander d'avoir un code barre, là, en fait, un code QRP, devrais-je dire, pour entrer en salle d'entraînement, là, tu sais. Ben moi, j'en demanderai jamais. Jamais j'aurai de QR pour rentrer chez nous. Oubliez ça. Je reçois des gens qui viennent à mes cours. Il y en a qui n'ont pas peur en passant. Il y en a sur Zoom. Puis j'ai du monde en studio. Puis ça se passe très bien. Puis en passant, depuis 14 mois que je fais le même job, là, je ne veux pas arrêter moi, ma job, à part le monde qui se sont arrêtés parce qu'ils ont peur, certains d'entre eux. Zéro cas de COVID ici. Puis Bon. j'ai dû croiser au moins 300 personnes en 14 mois. Sans parler des manifestations, j'ai embrassé plein de monde en plus. Peut-être exposé à des milliers de personnes aussi. Rien. Tellement rien que l'autre fois, quelqu'un me dit, Mona, comment ça va aujourd'hui? J'ai dit tellement bien que c'en est plate. Je sais pas quoi faire. Non, mais sérieux, j'étais en pleine forme. Mais le monde est à moitié jamais paralysé par ça, là. Bon, bref, tout ça, ce que je dis, amusez-vous. C'est important de se grounder présentement. Très groundé. La danse, la musique. Oui. Donc, sur ces paroles, je vous dis également de vous amuser. Je vous propose ça aussi également. Et je te souhaite également bonne fête des mères, Mona. Merci, mais je refais une petite note. Merci, Bertol. Ah, le livre noir de l'élite québécoise. Lisez ça, les amis. J'ai la moitié de lu, c'est ça. Merci Bertol, c'est une référence que j'ignorais. Oui, ben dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans un enregistrement récemment, Bertold faisait allusion à ça. Vous pouvez retrouver la vidéo là, sur ma chaîne YouTube. Ouais. Allez-y, les amis, allez écouter ça. Puis ce que dit le livre est très intéressant, vous le trouvez en bibliothèque sans problème. Bon, ben, c'est parfait. Là, c'est vrai. On se quitte et Au on revoir. se dit à bientôt. Bye bye. Oh, merci David.